couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 34. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Donc si vous avez des questions à poser, si vous faites un don et que vous souhaitez nous écrire, c'est à cette adresse que ça se passe. Si vous souhaitez nous faire passer aussi des témoignages, vous savez qu'on aime beaucoup les témoignages, ou des coupures d'articles, voilà, enfin, c'est donc à cette adresse. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre forum Europe Écologie Les Brins. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas noté, quand vous avez des problèmes d'inscription, envoyez-nous un email. Alors, ce ne sera pas immédiat, mais on vous inscrira et on vous répondra par email une fois l'inscription réalisée. On vous demande un petit peu de patience parce qu'on a beaucoup, on est assez chargé. Donc, il y a toujours un délai. Ne nous en voulez pas. Sachez que si vous utilisez le DNMX, ça vous serait considéré comme spam. Donc, autant nous signaler ça à l'avance. Le nouveau nom de domaine, messieurs, c'est, et mesdames, éventuellement, pour celles qui toléreraient la lecture de Démocratie Participative, c'est Dempart, dempart.beauty. Beauty. Donc, B-E-A-U-T-Y. Beauté en anglais, quoi. Hein, point beauty. Alors, oui, c'est une URL qui est un peu débile, mais... On s'en fout, hein. On a juste besoin d'un nom de domaine qui dure le temps que ça dure. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, avant de poursuivre avec les dons de la semaine, je vais présenter les participants cette semaine. Équipe restreinte, mais efficace, avec Hydromel qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Hydromel, j'espère que ma foi ça va bien, que tu t'en sors. Salut Gandalf, salut Vincent et bonjour à tous. Efficace, j'espère qu'on va l'être durant cette émission. J'ai appris qu'il y avait le variant XBB qui était sorti. Bon ben, ça laisse présager des bonnes choses pour cet hiver. S'espacer de 1 mètre, mettre des masques FFP2, de très bon augure donc. Ça nous manque, hein, ça, ces mesures de restriction, ce rétablissement du pass, le masque dans les transports publics. Ouais, on devient un peu nostalgique, hein. Bon, allez. On en redemande. On en redemande, je suis partant. On croise les doigts pour que ce soit ce variant, mais enfin bon, hein, ne soyons pas obtus, hein, et laissons la porte ouverte à d'autres variants. Et est aussi avec nous cette semaine, donc, Vincent, qui nous fait le plaisir d'être là, fidèle au poste. Salut Vincent! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Gandalf et bonjour Hydromel, ravi de vous retrouver cette semaine, en ce jour du 16 octobre, hein. Alors, 16 octobre, pour moi, chaque année, c'est les pendaisons des chefs nationaux-socialistes à Nuremberg. C'est toujours un jour un peu particulier. Pour moi, j'y pense à 3 heures du matin. Voilà. Donc, Par contre, Göring a réussi à leur échapper en se suicidant avant, et ça, ils étaient rageurs. C'est pour moi, voilà, c'est pour ça que c'est un jour où je pense beaucoup à Hermann Göring, et surtout à ceux qui lui ont procuré la capsule de cyanure qui lui a permis d'échapper à la pendaison. Il avait dit « vous ne me pendrez pas ». Et en effet, et là, bravo Göring, salut à toi, et salut à ta fille qui a défendu ta mémoire jusqu'au bout. Oui, c'est un gardien de prison américain qui a aidé à lui procurer, je crois, la porte de sortie avec honneur, non ? Oui, alors c'était un prison de gardien américain ils avaient sympathisé parce qu'ils étaient tous les deux des chasseurs. On le sait parce que la famille, enfin ce gardien de prison et sa famille avaient la montre de Göring qu'on lui avait laissée, vous savez, cette montre qu'on attachait à une chaîne au niveau du bassin, enfin un peu au-dessus du bassin. C'était en général des souvenirs de famille très très importants. Or, ce gardien a eu la montre de Göring, donc on suppose qu'il lui a donné en remerciement. Et ce gardien avait eu la capsule de cyanure, très probablement par le docteur allemand qui s'occupait des prisonniers, qui était le docteur Fuchler. Donc, salut à toi, ce gardien, et qui avait une très bonne tête d'ailleurs, une tête de Yankee parfait. Et salut à toi, Fuchler, qui avait permis à Göring d'échapper. Alors, il y en avait un autre qui s'était suicidé avant, hein, c'était le docteur Lee, mais lui s'était suicidé tout seul. Il avait réussi, d'ailleurs, ça les avait enragés, puisqu'ils avaient fait une enquête à l'époque pour voir comment il s'était suicidé et pour éviter qu'il y ait d'autres suicides. Voilà. Alors, on va en reparler parce que nos amis les Juifs ont envie de faire passer à l'équivalent d'un Nuremberg d'autres personnes. Ce sera l'objet aussi de cette émission. Alors, messieurs, remercions nos donateurs, sans lesquels il ne pourrait pas y avoir de démocratie participative. Si vous souhaitez nous soutenir, faites-le en Monero exclusivement. Donc, c'est une crypto-monnaie qui garantit votre anonymat, ainsi que le secret du montant du don que vous souhaitez nous faire. C'est très utile. Évidemment, c'est un avantage considérable par rapport aux autres crypto-monnaies. Ce n'est pas difficile de s'y mettre. Sur le site, vous trouverez les liens vers les guides explicatifs. Donc, reportez-y vous. Et donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent anonymement. Mais si vous souhaitez vous manifester, nous dire que vous nous avez fait un don, vous pouvez le faire par courriel, certains le font, c'est l'occasion de les remercier quand ils nous écrivent. Je vais donc commencer avec le premier don, c'est Merci Doc qui nous écrit « Bonjour Gandalf, bonjour les démocrates, je viens de vous envoyer l'équivalent de 100 € en Monero, pourriez-vous confirmer la bonne réception du don ? Merci pour tout ce que vous faites et longue vie à démocratie participative !» Hi Hitler, c'est Merci Doc donc, qui nous écrit ça. Alors, pour clarifier les choses, donc, il y a un délai d'une semaine pour pouvoir confirmer les dons. Donc, il faut que vous intégriez ça dans vos demandes de confirmation. Donc, on ne peut pas confirmer dans la foulée. Ça serait pratique, mais on ne peut pas le faire. Donc, si vous pouviez... Alors, bon, vous nous envoyez un message, mais si vous ressentez le besoin de confirmer, si vous n'avez pas reçu de réponse, s'il vous plaît, relancez-nous. Tout simplement. Et ça arrive aussi qu'il y ait tout simplement des demandes de dons qui passent en spam. Ça arrive, alors on vérifie les spams, mais il y a un flot de spam, donc parfois il y a des choses qui nous échappent, hein, franchement. Donc voilà. Si vous n'avez pas reçu de confirmation, s'il vous plaît, relancez, il n'y a aucun problème. On fera de notre mieux pour répondre. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe de Dempart. Pourriez-vous me confirmer ce don de 0,2 Monero ? Nouveau venu sur Dempart, j'apprécie beaucoup le contenu de vos articles et la qualité des podcasts de l'émission que j'attends désormais chaque semaine avec impatience. Il était donc logique de soutenir vos actions et participer avec ma modeste contribution à la lutte pour l'éveil des masses. J'avoue que lorsque j'ai découvert le site, j'ai eu un peu de mal avec les termes Zog, Goïm, Nez pointu, National-socialisme. Qui pour moi était totalement inconnu, comme je pense une grande partie du peuple français, blanc, qui n'a pas réellement conscience des luttes de pouvoir qui s'exercent aujourd'hui, comme hier, contre lui. Je me souviens encore me dire, en lisant certains articles, « Mais de quoi parlent ces gens ?» Alors, c'est pas faux. Hein. Parfois, c'est vrai qu'il y a des termes qui sont pas très, très faciles de compréhension. Zog, surtout, je pense. Alors, Goïm, ça me semblait assez connu. Mais bon, là, c'est un travail d'éducation hein, qui est nécessaire, je crois. Notre auditeur poursuit. Totalement endormi et faisant partie du système, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions dès l'apparition du rhume 19. La manière dont le monde réagissait de manière excessive et disproportionnée, la désinformation médiatique de plus en plus grossière, les pressions exercées sur les lanceurs d'alerte, les prises de décision illogiques et la dérive sectaire de plus en plus grande de notre caste dirigeante. J'ai découvert très rapidement, après quelques recherches, l'avancée des nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les progrès dans l'informatique quantique. J'ai écouté des conférences de Laurent Alexandre sur le transhumanisme, des conférences de Jacques Attali sur la décroissance programmée, entreaperçu la vision du Forum de Davos de Klaus Schwab et d'autres penseurs comme Harari, pour essayer de comprendre à quelle sauce nous allons être mangés. J'ai surtout pris conscience de la désinformation médiatique, son instrumentalisation et son puissant pouvoir dans le contrôle des masses. Je me suis alors questionné en me disant que si cette propagande d'État œuvrait toujours aujourd'hui pour écrire l'histoire au goût de nos élites dirigeantes, alors pourquoi en serait-il autrement dans l'histoire passée et notamment pour ce qui touche à la Deuxième Guerre mondiale. Je tiens à vous remercier car DP m'aide beaucoup au quotidien à décrypter l'actualité et participe de manière significative à une meilleure compréhension du monde dans sa globalité en apportant un véritable éclairage sur l'histoire, la géopolitique, la religion, les valeurs familiales, les questions radicales, etc. Je tiens pour finir à vous remercier pour vos conseils quant à l'utilisation des crypto-monnaies qui m'étaient également étrangères ainsi que vos conseils éclairés en termes d'anonymat sur Internet qui m'ont poussé à changer de VPN. Il aborde un peu la question des VPN. Bref, je pense que DP devrait être considéré comme d'utilité publique dans un monde sans juifs. Force à vous ! Et c'est signé SSEB. Alors merci SSEB, merci pour ce message très flatteur. Je suis content que DP ait contribué à tout le moins poser des questions hein, sur le consensus dominant. Effectivement, intéressant. Hein, le déclic, ça a été le rhume 19. Hein, le délire collectif, bon, complètement instrumentalisé bien sûr, hein, mais c'est là qu'il y a eu des gens qui sont quand même liés à quelque chose qui est en train de se produire, et donc ça a déclenché chez lui une mécanique du doute, voilà, une mécanique du questionnement, et qui l'a amené à être sceptique sur toute une série de questions, et voilà, donc ce qui l'amène à nous, donc merci SSEB pour ce don, pour ce message. Personnellement, je n'ai rien à ajouter, hein, si ce n'est que je suis content qu'un lecteur ait pu, on va dire, quand même progresser, parce qu'effectivement, là, s'il en est maintenant à Klaus Schwab, au Forum de Davos, à Harari, donc l'idéologue juif israélien derrière Schwab, oui, c'est une nette progression, et ça permet de sortir de cette matrice hein, dans laquelle les gens évoluent, parce qu'entre le réchauffement climatique, la guerre contre la Russie, bon, demain la Chine, le conditionnement sanitaire, je ne parle évidemment pas du grand remplacement, bon, c'est bien qu'on ait sorti quelqu'un du conditionnement, tout simplement, voilà, donc je m'en félicite. Voilà pour ce que j'aurais à dire à notre lecteur. Alors, l'émission est chargée aujourd'hui, donc... autant entamer tout de suite avec la première rubrique autisme radical et je n'ai pas pu m'empêcher chers amis de citer cette déclaration de Marion Maréchal car elle fait suite à celle d'Éric Zemmour lorsqu'il a pourfendu Pap Ndiaye, ministre de l'éducation nationale, prétendue-t-elle, française, lors de son déplacement aux États-Unis, où il avait expliqué qu'on ne pouvait pas aborder les questions ethniques et raciales ou ethno-raciales en France de manière aussi ouverte qu'aux États-Unis, parce que le thème était constamment récupéré par l'extrême droite. Donc Papendia essaie de s'en expliquer auprès, on va dire, des autorités américaines, en disant « j'aimerais faire plus, mais je ne peux pas, car il y a un contexte français ». Et quand on aborde les questions ethniques, c'est immédiatement récupéré par l'extrême droite qui cherche justement à sortir du tabou ethnique. Donc il le disait en substance, il disait voilà, effectivement, la négation de la réalité raciale est réelle en France au niveau de l'État, mais c'est pour damer le pion à l'extrême droite. Ça avait été donc le propos de Papendiaï. Ce à quoi avait réagi virulemment Éric Zemmour en disant Papendiaï est un racialiste, il est à l'opposé des valeurs françaises. Reconquête, c'est l'universalisme et le refus, c'est l'universalisme et le refus de l'appartenance ethno-raciale. Bon, donc il avait fait tout un discours sur l'inexistence des races, en fait. Voilà, bon, c'était assez grotesque, mais très révélateur. La semaine dernière, on est passé vite fait, enfin, si c'était pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant, je me rappelle plus, sur les déclarations de Philippe de Villiers, donc qui lui parlait de Français de désir. Transformer les Français de papier en Français de désir grâce je sais pas quoi, Jeanne d'Arc ou je ne sais plus, enfin bon, les délires habituels de Villiers. Et aujourd'hui, bah, c'est Marion Maréchal. Alors on l'écoute et on se retrouve. Le ministre de l'Éducation nationale a dit hier à l'Assemblée nationale qu'on agissait et que pour chaque atteinte à la laïcité, il y avait un signalement et une action. Est-ce que le gouvernement en fait assez? Bah écoutez, en tout cas pour l'instant, c'est pas le témoignage des professeurs qui remonte. Ce que disent les professeurs, les dirigeants d'établissements, les directeurs d'établissements, c'est qu'ils sont désarmés, qu'ils n'ont pas de cadre clair, qu'ils n'ont pas de procédure claire, qu'ils ont une formation sur la laïcité, mais qu'ils sont pas non plus formés sur les questions, les critères de radicalisation, l'identification finalement des formes de radicalisation. Ils sont quand même relativement délaissés. Donc je crois que là, la réponse, elle vient d'abord d'un cadre clair, voilà, d'un cadre clair, d'une procédure claire, d'une intransigeance absolue et totale pour l'exclusion des étudiants qui s'amusent à faire cela ou des écoliers. Et peut-être, alors je vais élargir un peu le débat, vous allez me dire ça paraît anecdotique, mais je le crois pas. Peut-être remettre aussi la question de l'uniforme et ou de la blouse à l'école. Pourquoi s'interdire ce sujet alors que manifestement maintenant, moi je suis pour. On voit des débats sur tel vêtement qui serait culturello-religieux en fonction de l'ampleur, de la couleur, on s'en sortira pas. Donc à mon avis, on peut partir aussi sur ce principe qui en plus a le mérite, et je crois que c'est significatif pour les élèves, de gommer les différences sociales et donc aussi de libérer les enfants de cette pression de la représentation et des marques qui les empêchent d'étudier correctement souvent. Alors, je cite Marion Maréchal, donc les professeurs nous disent qu'ils sont désarmés, nos enseignants ne sont pas formés à la radicalisation, sous-entendu islamique, il faut remettre la question de la blouse et de l'uniforme à l'école. Bon, alors, je ne vais pas sortir mon pistolet tout de suite. Je recontextualise. Donc, vous avez vu qu'il y a eu des émeutes récemment dans une commune d'Île-de-France il y avait un professeur qui n'était pas musulman, d'ailleurs, qui a été mis sur la touche parce que il se plaignait des conditions d'enseignement et de je ne sais pas quoi. Et donc, il y avait à l'origine une protestation contre la mise, contre en fait l'éviction de ce professeur, son déplacement, sa mutation dans un autre établissement. Et lors de ces manifestations d'opposition de la part des lycéens de l'établissement en question, s'est greffée la question des tenues vestimentaires, et plus exactement les revendications de la part de certains élèves musulmans de pouvoir porter des tenues conformes aux préceptes coraniques, d'après eux, notamment pour les hommes, donc le kamis, d'accord, donc qui est une... Je sais pas trop comment décrire ça, mais ça ressemble un peu à une blouse d'ailleurs, comme quoi. Mais qui va jusqu'au niveau des genoux au moins. Donc ça, c'est très pakistanais, je trouve, dans le style. Et sinon le port d'abaya pour les femmes, qui sont en fait des espèces de robes très très longues, très très amples, avec un voile intégré. C'est très oriental. Et alors... vous savez que cette discussion a commencé à s'installer puisque sur TikTok, vous avez des jeunes musulmans et des jeunes musulmanes qui font la promotion du port tantôt du kabis, tantôt de la baya, mais pas seulement dans un contexte privé, aussi à l'école. Donc il y a une espèce de, enfin, des défis qu'il se lance pour défier les autorités françaises sur ce point. Et Pape Ndiaye a été mis sous pression là-dessus. Alors, ce qui a pris une tournure encore plus marquée à l'occasion de la commémoration de la deuxième année du décès de Samuel Paty, donc ce professeur qui a été égorgé par un jeune Tchétchène au motif qu'il avait montré lors de son cours des caricatures de Charlie Hebdo du prophète de l'islam. Donc voilà, le contexte, j'allais dire, médiatique s'y prête. Il y a donc des incidents dans un lycée, et là-dessus donc est interrogée Marion Maréchal, et elle a la solution, hein. Elle nous dit, voilà, il faut rétablir l'uniforme à l'école, et Boubacar, Mamadou, Kenza arrêteront d'être musulmans, ils arrêteront d'être maghrébins, ils deviendront de vrais Français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez bien évidemment revenir sur le contexte en lui-même, vous pouvez réagir sur les propos de Marion Maréchal en tant que telle, vous avez carte blanche, voilà, je voulais simplement votre opinion là-dessus, après je donnerai la mienne rapidement. Ben, si je peux donner mon opinion sur ce sujet, je dirais mettre une blouse, remettre la blouse, pourquoi pas dans un environnement chrétien, on va dire très comme la France l'était autrefois, mais alors dans un environnement où il y a chrétiens, musulmans, juifs, autres, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Voilà, ils vont faire des dimensions de kamis, mais ils vont rajouter des éléments de blues. Et puis hop, le tour est joué. Et puis ça passera comme une lettre à la poste, quoi. Enfin, voilà. C'est déjà le cas d'ailleurs, parce que sur le port du voile, il y a une grande hypocrisie, parce qu'ils disent le voile est interdit à l'école, mais ce qu'on dit assez peu, c'est que les bandanas sont autorisés. Donc ce qu'ont très longtemps fait les musulmanes, c'est qu'elles étaient voilées dans les établissements, sauf qu'à la place d'avoir un foulard islamique, elles avaient des bandanas. Donc elles avaient quand même les cheveux couverts. Donc il y avait beaucoup d'hypocrisie là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais dévoilé vraiment les musulmanes en France. On ne les a jamais dévoilés. On leur disait, voilà, venez pas avec le voile islamique, mais si vous avez les cheveux couverts dans l'établissement, ça va, on regarde ailleurs. Ouais, donc, et ça fait 30 ans que ça dure, ce truc. En fait, cette espèce de jeu du chat et de la souris où tout le monde fait semblant de se voir et de ne pas se voir. Donc en fait c'est vraiment le bal des faux culs, hein. Je veux dire, voilà, enfin, on n'a pas, je veux dire, donc le nœud de cette histoire, ça a commencé il y a plus de 30 ans. Donc c'est vieux, hein, cette histoire. L'histoire du voile à l'école, c'est Jospin, ministre de l'Éducation, ça a 30 ans, c'est 3 décennies que cette discussion sans queue ni tête se poursuit. Collège Gabriel Havès de Creil, 870 élèves, 25 nationalités s'y côtoient. Depuis la rentrée, le principal se débat avec la communauté juive. Il y a alors cours le samedi, jour de Shabbat, mais Ernest Chénier reste ferme. Puis à l'automne, 3 adolescentes musulmanes apparaissent voilées. Le principal les exclut temporairement. Nous avons différents cultes, nous traitons tout le monde suivant le principe d'égalité. Il ne serait donc pas concevable de voir un élève avec une croix à l'intérieur d'une classe? Ni une croix gammée, ni une faucille, ni un marteau, ni une rose, ni quoi que ce soit d'autre. Mais l'affaire prend de l'ampleur. SOS Racisme et le MRAP soutiennent les jeunes filles. Les parents d'élèves, eux, appuient le principal de l'Oise. Nous tenons à ce qu'aucun groupe puisse faire pression sur un autre au nom d'idéologie. Les jeunes filles vont rester 15 jours chez elles, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé avec le collège. Le principal il a dit que s'il vient, il le met dans la cour, puis juste l'enlever dans la classe pour qu'il commence à prendre l'école. Pas de foulard en classe. Mais la trêve sera de courte durée. Les familles reviennent à la charge et il n'y a plus une mais des affaires de voile en France. La classe politique se déchire mais ne tranche pas. La polémique dépasse même les frontières. L'Iran dénonce l'intolérance de l'école laïque française. À Creil, le principal Chénière est seul. La réponse de sa hiérarchie est sans équivoque. Débrouillez-vous. Vous êtes là, débrouillez-vous. Et surtout, pas de vagues. S'il y a des vagues, faites en sorte que ce soit vite réglé et qu'on ne soit pas plus haut ennuyé. Et surtout, le ministre de l'Éducation de l'époque, Lionel Jospin, va le désavouer. Ça voudrait dire ça. Et à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Le ministre finit par saisir le Conseil d'État, qui réaffirme les principes de laïcité, charge au chef d'établissement de la faire respecter. Rien ne change vraiment. Ernest Chénière en fera son combat. Élu député en 1993, il fera 3 propositions de loi, toutes rejetées. Il faudra attendre 2004 pour qu'une loi fixe enfin un cadre et interdise les signes religieux à l'école. Ils appelaient ça tchador, c'était le tchador au tout début, plus ou moins. Après, je sais pas, parce que après, il y a différents types de vêtements islamiques. Mais je veux dire, le point de départ, c'était le port du voile islamique par des femmes à la fin des années 1980 en France. Lionel Jospin, qui est devenu ensuite Premier ministre, qui était socialiste, était ministre de l'Éducation. À partir de là, en fait, les autorités ont fait semblant de l'interdire, mais en réalité l'ont autorisé sous une forme tierce, à savoir le bandana. Donc les filles musulmanes pouvaient se couvrir les cheveux avec des bandanas. Et donc elles avaient... Et ça, c'était parfaitement admis dans les règlements et tout. On leur disait, ouais, c'est bon, voilà, ça vous pouvez le faire. Là. Bon. Donc tout le monde faisait semblant. Mais ce qui se passe, c'est que les musulmans deviennent plus nombreux. On a affaire à des nouvelles générations aussi. Donc maintenant, ils poussent beaucoup plus fort. Et comme vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez très vite créer des effets de masse, des effets d'entraînement quasi instantanés. Et là, les autorités ont beaucoup de mal à contenir, parce que dans les années 80, bon, vous pouviez circonscrire un problème à un ou deux lycées, un ou deux établissements. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, s'il y a un problème sur un lycée, très très vite, avec un, deux ou trois élèves qui font un vocal ou une vidéo sur un réseau social, très très vite, ça fait le tour de France. Donc vous avez d'autres musulmans qui rentrent dans la danse, qui interviennent et qui font pression. Donc c'était les signalements se multiplient. Alors ça reste encore marginal à ce stade, en tout cas de ce qu'on nous dit. Enfin, c'est en augmentation, mais marginale à ce stade. Mais évidemment, ça a vocation à se multiplier, je veux dire. Bon, ça, c'est le problème de base. Mais ce que je veux dire, c'est que les autorités ferment les yeux, en réalité, sauf sur les cas les plus extravagants au plan vestimentaire. Mais sinon, d'une manière générale, les femmes qui se couvrent les cheveux avec un fichu ou quoi, ils font comme si ça n'existait pas. C'est ça la discussion aujourd'hui. Alors, maintenant, je me tourne vers Vincent, à la fois sur la situation et sur la réaction de Marion Maréchal. Qu'est-ce que tu aurais à dire ? Oui, alors, déjà sur la situation, déjà, pardon, sur l'uniforme qu'elle préconise et la blouse, il faut savoir, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hydromel, c'est qu'en fait, au départ, l'uniforme scolaire, hein, je ne parle pas d'uniforme militaire, mais je parle d'uniforme scolaire, c'était quelque chose qui permettait de gommer avant tout les différences de fortune, pour éviter que des élèves, par leurs habits de médiocre qualité, surtout à l'époque, il y a deux siècles, révèlent une famille assez pauvre. Mais cet uniforme était imposé dans les écoles à une époque où le peuple était homogène. C'était un peuple chrétien ou d'ascendance chrétienne, etc. Il n'y avait absolument aucune volonté et il n'y avait pas ce rêve de vouloir gommer des différences très nettes culturelles, des différences inconciliables. En masquant ça par un uniforme. Donc, ce n'est absolument pas par l'uniforme que l'on pourra résoudre ce problème de la radicalisation. Et ce que moi je dirais, c'est que, en fait, l'uniforme et la blouse, normalement, ne viennent qu'à la fin que pour matérialiser une politique qui est menée en amont, une politique d'ordre. Or aujourd'hui, avec ces populations qui sont complètement hors contrôle dans beaucoup de leurs éléments, il n'y a plus aucune politique, toutes ces politiques d'intégration, d'ailleurs Macron l'a dit lui-même, elles sont absurdes, elles sont des échecs, et l'école ne fait que le révéler. En fait, l'école n'est qu'un révélateur en aval de ce qui se passe en amont. Finalement, quand à l'école, on a des problèmes de radicalisation, cela signifie qu'en amont, au sein du pays, il y a une radicalisation totale. Et en effet, aujourd'hui, les réseaux sociaux et cette jeunesse, cette troisième, quatrième génération, ne fait que révéler un mal beaucoup plus profond. Donc, encore une fois, imposer l'uniforme, c'est un peu comme avoir quelqu'un qui a une gangrène, et on va lui dire « Oh mais monsieur, on va vous mettre un beau pansement, voyez, et on verra plus votre gangrène. » Oui, mais la gangrène, elle est là, à l'intérieur, ça ne signifie rien. Une deuxième comparaison, ce serait de dire « Oh là là, les enterrements, c'est vraiment triste, on va tous vous habiller en clown, et l'enterrement va être beaucoup plus gai. » Mais non, si les gens sont tristes, vous avez beau les habiller en clown, ils vont pas être gais pour autant. Eh bien, si des musulmans radicaux vous leur imposez l'uniforme, ça ne servira strictement à rien. Donc on a tout à fait une réaction de Marion Maréchal, Le Pen, qui est une réaction complètement autistique. Voilà, ça ne résoudra rien. Et encore une fois, pour avoir été moi-même dans l'éducation nationale, pas très longtemps, un an et demi, mais enfin on m'a quand même laissé un an et demi avant de me virer, j'ai vu à quel point l'école, c'est le révélateur de tout ce qui se passe en amont dans la société. Alors, c'est révélateur naturellement de la radicalisation, mais c'est aussi révélateur du manque total de discipline qu'il y a même dans les familles. Je vais vous raconter une petite anecdote. On avait un élève qui ne venait pas à Honfleur, qui n'était pas en classe, donc. Et un jour, on a téléphoné, j'ai téléphoné aux parents en disant, il est où, là? Il devrait être en classe, il vient pas. Là, il est dans la cour, il joue au foot. Alors, madame, vous pourriez pas lui dire, quand même, de se rendre au lycée maintenant, c'est l'heure. Et elle a répondu, oulala, allez lui dire vous-même, hein. Moi, non, je peux pas. Voilà. C'était ça. Donc, quand on avait des problèmes d'indiscipline, bien sûr qu'au niveau du lycée, on essayait de le résoudre, mais c'était, comme on dit, c'était mettre un cautère sur une jambe de bois. Enfin, je veux dire, ça servait à rien, c'était mettre un pansement sur une gangrène. Et encore une fois, tous ces problèmes qu'on a à l'école sont des révélateurs d'une société qui est profondément malade. Et les problèmes de radicalisation, on ne les résoudra pas en portant des uniformes, on les résoudra en résolvant ce problème d'immigration, c'est tout. Et on en revient toujours au même. Donc, assez de ces demi-solutions qui ne serviront à rien, il faut trancher dans le vif si on veut en sortir. Voilà ce que j'avais à dire à propos de cette affaire. Oui, j'avais bien aimé ce que tu as dit sur le fait qu'on va... La blouse, l'uniforme scolaire, était prévue pour gommer les différences sociales et qu'aujourd'hui, la droite française, ou en tout cas une partie de la droite française, en tout cas celle incarnée par Marion Maréchal, Éric Zemmour, De Villiers, donc on va dire autour du pôle Reconquête, peut-être de l'aile droite aussi des Républicains, veut gommer les différences ethno-raciales et non plus sociales par la blouse et l'uniforme, ce qui évidemment est caché la poussière sous le tapis, hein, c'est ça le but. Et tu as parlé de demi-solution, à supposer que ça en soit même des demi. Oui, j'ai été trop laxiste. Même pas convaincu que ça en soit une demi. Alors on pourrait dire, mais là, mais vous ergotez, etc., vous passez complètement à côté de l'essence du propos. Mais non, c'est-à-dire que tu l'as bien dit, soit on réagit aux conséquences, soit on s'intéresse aux causes profondes. La cause profonde des problèmes que l'on connaît dans l'éducation dite nationale, dont le nom d'ailleurs ne est largement aujourd'hui immérité, on ne peut plus aujourd'hui qualifier l'éducation nationale de nationale, à la fois par les politiques qu'elle mène, celui qui incarne ce ministère, qui est Pap Ndiaye, et enfin par la composition des classes. Il n'y a rien de national dans l'éducation nationale. Ça peut être tout ce qu'on voudra, une éducation post-nationale, une éducation anti-nationale même, bon, peu importe, mais ce n'est certainement pas un ministère de l'éducation nationale. Et donc, il faut regarder le problème à la base. Le problème de base, c'est quoi? C'est le flot incessant d'immigration qui vient de la totalité de la planète. Ça vient du Pakistan, nos auditeurs savent ça plus qu'ils ne le savent, je veux dire, ils en sont parfaitement conscients pour la plupart. Bon, c'est un torrent permanent de gens qui ne parlent pas le français, qui... Bon, ça arrive, ça débarque en quantité toujours plus astronomique. On voit quand même, et ça c'est objectif, je veux dire, parce que c'est vrai que les profs du genre, on a toujours besoin de moyens, de dire, bon, ça, je veux dire, c'est un non-argument. Ça peut s'entendre dans certaines circonstances, je veux dire, mais quand le problème numéro un, c'est l'immigration de masse, je veux dire. Si vous avez le flux de l'immigration du tiers-monde qui arrive sans arrêt, demander un poste supplémentaire, deux postes supplémentaires dans un collège ne va pas résoudre la fracture raciale, ethnique, culturelle, religieuse. C'est évident. Oui, je t'interromps, pardonne-moi, mais pour dire que dans le temps, il y avait des classes de 40 élèves, c'était 40 Français de souche, ça se passait parfaitement bien. Donc, quand on me disait, oui, oh, il faut faire des classes en moindre groupe, mais ça servait strictement à rien, ça. Oui, et là, je confirme, pour avoir été encore une fois dans l'éducation nationale, toutes ces revendications de dire, on n'a pas assez de moyens, ça, c'est pas du tout le problème. Le problème ne sont pas les moyens, le problème, c'est la composition des classes et la déliquescence de cette civilisation. Oui, bien sûr, et aussi la qualité du personnel enseignant, ça c'est aussi indubitable, mais qui est logique. Ça, ils disent, on n'arrive plus à recruter. Ils ont un vrai problème de recrutement maintenant dans l'éducation nationale. Mais évidemment, pourquoi? Alors évidemment, il y a plein de problèmes, mais d'abord, on peut discuter au niveau salarial, c'est pas très valorisant, etc. Bon, d'accord, ça s'entend. Mais la question, c'est toujours, oui, mais je suis payé pour faire quoi? Et aujourd'hui, je pense que tout le monde sait, tout le monde a conscience que quand on veut devenir prof, un jeune prof, prend d'emblée, au minimum du minimum, 5 ans dans une zone ethniquement sinistrée. C'est un passage obligatoire. Donc, si vous voulez devenir prof, vous savez que vous allez être plongé dans la jungle raciale. Vous le savez. Et alors, je ne sais pas si les gens se le disent comme ça. Bon, je ne crois pas, parce qu'il y a un tel tabou racial, donc il y a beaucoup de gens de gens qui pourraient être intéressés, qui ne vont pas se dire « Ah non, mon Dieu, j'ai pas envie de finir au milieu des nègres. » Ils ne parlent pas comme ça. Mais ils doivent se dire « Oh non, mais quand même, dans les quartiers difficiles, etc. » J'ai pas vraiment envie de faire ça. Ouais. Donc, c'est plutôt comme ça que c'est formulé, mais à mon avis, bon, le résultat est le même. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas finir au milieu d'une zone. Bon, moi, j'ai déjà parlé de ça dans l'émission, mais je connais très bien. Alors, j'ai pas été en immersion en tant que prof, mais j'ai une connaissance à moi, proche, qui a été en immersion dans une zone comme ça pendant des années. Et alors, c'était vraiment c'était un cas d'école, parce que lui, quand il a quitté sa région d'origine, il n'avait pas d'avis arrêté sur ces questions-là du tout, sur les questions d'immigration, de trucs, pas du tout. Il n'était pas politisé, ni dans un sens ni dans un autre, il n'avait pas d'a priori négatif sur l'immigration ou quoi que ce soit. Il n'était pas non plus sous l'influence de gens qui étaient politisés, ni quoi que ce soit, même de la mienne. Hein. Donc, il s'est retrouvé là-dedans, et il a été, comme on dit, red pilulé, mais à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, il avait tout compris. Hein. Il avait dit, voilà, mais c'est pas possible, c'est la jungle. Et il avait bien compris que c'était pas une histoire de moyens. Il dit, bah voilà, je me faisais menacer de mort. Dans mes classes, il y avait un blanc sur 30 élèves. Il disait, voilà, il y avait un ou deux ou trois maghrébins qui essayaient un peu de faire quelque chose, mais sinon tout le reste, on ne pouvait rien en tirer, etc. Enfin, et il me dit, comme il disait quand j'avais l'occasion de le voir, il me dit, mais j'ai des histoires comme ça, des anecdotes à donner, j'en ai des tas. Et il a tout fait pour essayer de s'en sortir, quoi. Enfin, pour quitter. Et au bout d'un moment, la dernière année, c'est un peu le miracle, il a dit, bon, cette année, s'il ne me mute pas là où je demande, je démissionne, j'oublie. Donc il avait fait 7 ans dans un trou comme ça. Et alors, cette année-là, ils ont accepté de le déplacer là, dans l'académie où il voulait. Et ça s'est passé à peu de choses, hein, parce qu'il disait, moi, il me refusait la mutation. Moi, je démissionnais, je faisais autre chose, mais j'en avais marre, je voulais plus être au milieu de ces sauvages. Quoi. Et tout ça pour dire quoi? Forcément, le mot circule. Le mot circule. Les gens échangent informellement. Et alors, à part les gens qui sont... Parce qu'il y a quelques idéalistes, je sais pas, souvent des femmes, mais j'en ai connu aussi, hein, dans un autre cadre, de gauche, quoi. Mais ça ressemblait plus, en fait, aux bonnes sœurs qui partaient en Afrique vacciner les petits noirs, vous voyez, c'est plus ça. C'est-à-dire, ah oui, on va leur... on va aider ces immigrés discriminés à accéder à la connaissance, à la culture et à lutter contre les injustices, etc. Donc c'est vraiment l'idée du sauveur blanc, tu vois. Et alors je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, probablement étant complètement cintrées à l'origine, je pense qu'elles ont été jusqu'au bout et continuent à souffrir. Mais probablement tout le monde n'est pas aussi masochiste. Et donc il y a un vrai problème. Alors maintenant, je crois qu'ils donnent plus ou moins les postes à peu près n'importe qui et vaguement un bac. Donc le niveau s'écroule, quoi. Le niveau sauf s'écroule. Si vous êtes révisionniste, là vous avez beau être pédagogue, ah oui. Vous êtes dehors. Là vous êtes dehors tout de suite. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais je veux dire, ils n'arrivent plus à recruter de profs, évidemment. Donc je veux dire, le niveau moyen des profs s'écroule. Il s'écroulait déjà parce qu'il y avait un embrigadement idéologique à l'extrême gauche qui infusait hein, dans les centres de formation de profs. Moi, c'est ce qu'ils me disent parce que j'ai des collègues qui sont là-dedans. Ils me disent ils sont insupportables. Hein, ils me le font savoir. Hein, ils me disent non, il y a vraiment. Alors, ils disent ça va dépendre sur quel formateur tu vas tomber. Il y en a qui sont tout à fait corrects, je veux dire, qui échappent. Mais il y a une gangue idéologique qui est partout. Et c'est vraiment prégnant. Quoi, hein. Donc, forcément. Les profs qu'ils ont sont soit des fanatiques de gauche et d'extrême gauche qui sont prêts à aller jusqu'au bout du projet wokiste, okay, soit c'est des abrutis qui sont même pas foutus d'écrire correctement français, donc vous allez mettre des gens comme ça devant des élèves. Bon, et ensuite, vous avez les classes et la composition des classes. Donc c'est un désastre, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, c'est ça la réalité. C'est que aussi, pardonne-moi de t'interrompre, mais c'est qu'aussi, il y a ceux qui s'en foutent, mais il y a ceux qui disent, de toute façon, on ne peut plus rien faire. La situation est trop grave. Donc, en gros, on gère. C'est ça, c'est la grande formule. Écoutez, on gère au mieux. Mais en fait, on est toujours dans des situations d'urgence. C'est la perpétuelle situation d'urgence où les gens disent, bah oui, on est là, il faut bien faire quelque chose... c'est ça le truc. Quand j'entendais Marion Maréchal qui disait oui, ces jeunes qui font la, il faut être d'une sévérité et ces jeunes, il ne faut pas hésiter à les exclure. Mais je serais face à elle, je dirais ah oui, madame, et vous les excluez et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont zoner dans la rue? Ils vont être pires? C'était toujours nous ce qu'on disait dans l'éducation nationale. Ah non, on ne peut pas les virer, ça va encore donner des voyous pires. Donc tout ça, c'est des faux trucs, c'est des solutions, même pas des demi-solutions, c'est rien du tout, que Marion Maréchal nous sort. On ne pouvait pas exclure des gens. Donc on est vraiment dans une situation où, bah ouais, il faut les garder, parce que de toute façon, au moins ils sont entourés, là, pour l'instant. Mais c'était fini, quoi. Tout le monde s'en moquait, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient désespérés. Bien sûr. Il y a un point aussi, c'est que... Donc pour son histoire là, pour dire à quel point c'est ridicule de dire on va rétablir la blouse et ça. Vous avez affaire à des établissements qui sont situés dans des communes. Des communautés de communes, je vais un peu parler de département, mais communes, communautés de communes, qui sont intégralement remplacées. Il n'y a plus d'Européens. Il y a essentiellement des populations d'origine afro-maghrébine ou afro-orientale. Non exclusivement, mais souvent musulmanes. Donc, ces populations-là, elles vont pas, comme par magie, en passant la porte d'entrée, devenir autre chose que ce qu'elles sont. Vous voyez, c'est ça, cette espèce d'obsession du constructivisme jacobin, qui prétend qu'on va transformer des populations intrinsèquement étrangères, différentes, avec des valeurs culturelles différentes, inassimilables en raison de la nature de leur culture, parce que l'islam ne tolère pas d'être contesté, mais aussi du volume. On continue à nous dire « Non, mais on va construire une société avec ces gens-là. » Non, ce qui se passe... c'est que eux construisent leur société, si jamais on peut appeler ça une société, mais ils construisent leur propre société parallèle. C'est ce qu'on voit avec l'histoire du Camis et de la Baïa, là, même si c'est anecdotique. Donc c'est ça, en fait. Et on voit que cette droite réactionnaire reprend donc les vieilleries de la gauche, les vieilles lunes de la gauche Troisième République, voilà, on va envoyer des hussards noirs, hein, et on va faire donc des bas bleus. Voilà, on va faire donc des gens qui viennent carrément, mais je veux dire, il faut voir d'où ils viennent. Je veux dire, ils viennent du Tchad, du Mali, du Niger. Enfin, ça vient de partout. En une génération, si ce n'est même une génération, ils arrivent dans cette société crépusculaire française, finissante, sans plus aucun pôle de référence, puisque les Gaulois de souche ont... Enfin, les Gaulois, c'est un pléonasme, donc les Gaulois ont disparu. Donc, il n'y a plus de pôle de référence. Leur référence à eux, c'est Internet et la mosquée. Ou le gang du coin, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte ? Le problème... Et attention, il n'y a plus, de discipline non plus. Et ça, c'est pas nouveau. À ces gens, quand il n'y a plus de discipline, alors là, c'est la porte ouverte à tout. Oui, mais on ne peut pas la maintenir, je veux dire, parce que de toute façon, parce qu'après, les profs, quand ils sortent des établissements, si jamais ils essaient de faire... Vous avez le frère, les cousins qui arrivent pour les passer à tabac, je veux dire, ils le savent, donc, ou crever les pneus de la bagnole, etc. Moi, j'ai connu des profs, oui, bah, qui garaient leur voiture plus loin. Voilà, donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est... Ce que je vois, hein, avec Zemmour, De Villiers, Marion Maréchal, quelques autres, c'est qu'en fait, ils veulent vous dire... Ce qui vous propose, c'est les soins palliatifs. Donc, on ne va pas vous soigner. Vous êtes en phase terminale. On ne va pas vous soigner. Ils sont assez lucides. D'accord ? Parce qu'ils refusent d'aller au fond du problème en disant on va aller soigner la maladie. Non, ça ne sert à rien. On va faire du soin palliatif, c'est-à-dire qu'on va rendre le grand remplacement moins douloureux. Donc, on va jouer à la marge, sur les points les plus douloureux, voilà, ce qui peut paraître le plus urticant, voilà, on va essayer d'effacer un petit peu la douleur, les démangeaisons, et voilà ma petite proposition du jour, voilà. Mais si les gens se contentent de ça, quand on voit la bascule démographique actuelle, on s'égare complètement. Et donc, moi, je vois que la fonction donc de ces gens-là, qu'on a présenté comme étant des radicaux, même Zemmour, comme étant un nazi. Enfin, je veux dire, c'était n'importe quoi. On voit bien, d'ailleurs, depuis le résultat des élections, il opère un recentrage à marche forcée. Hein. On oublie grand remplacement et compagnie. Maintenant, on dit, voilà, on va faire de l'assimilation. Il a dit ça avant, attention. Il parlait déjà d'assimilation. Enfin, maintenant, il ne parle plus que d'assimilation. Hein. C'est, voilà... Pour faire plaisir, il dit voilà, on va foutre dehors les criminels étrangers, voilà, bon. Bah avant, on était avant les élections, il était question d'un ministère de la remigration. Donc là, c'était il y a quelques mois, on est quand même descendu bien bas. C'est vrai que c'est palliatif, effectivement. Bah oui, là, on est dans le ministère de l'assimilation, quoi. C'est voilà, bon. Et en plus, qu'est-ce que tu vas assimiler des populations qui sont plus importantes que toi ? Bah non. Bah comme tu disais, c'est une société crépusculaire, mais je dirais de plus en plus crépue. C'est compris dedans, hein, c'est compris dedans. Non, mais j'ai vu dans le même genre d'autisme gaulo-bonapartiste, autistique, ça m'avait complètement échappé. Mais c'était au mois de janvier dernier, donc ça fait un peu moins d'un an quand même. Mais c'était lors de la campagne, Zemmour avait proposé de mettre un terme à l'enseignement des langues étrangères, je crois au collège, me semble-t-il. C'est-à-dire que il fallait apprendre que le français. C'est-à-dire que on est chez les fous. Pour beaucoup d'élèves, le français c'est déjà une langue étrangère. Donc c'est pas tout à fait enlever les langues étrangères. Mais, en fait, si tu veux, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que parce que les bougnoules et les nègres sont infoutus d'apprendre le français, on va empêcher les blancs d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou je ne sais quelle autre langue. Donc tu vois, c'est toujours le même. Ouais, non, mais oui, comprenez la situation. Faudrait déjà que les Français apprennent à parler français. Oui, non, mais d'accord. Mais d'abord, interrogez-vous sur la qualité de votre personnel éducatif. Et deuxièmement, interrogez-vous sur la qualité ethnique et raciale de ce qui compose les classes. Et la solution de Zemmour, c'était en fait le nivellement par le bas. Ah bah ouais, non, au nom de « oui, mais il faut d'abord qu'ils apprennent à parler français ». Oui, mais c'est complètement con. C'est-à-dire que les petits blancs, ils ont un cerveau qui fonctionne, ils peuvent parfaitement maîtriser l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais en 6e comme tout le monde à l'époque, donc à partir de 10 ans. Maintenant, ils peuvent faire éventuellement un peu plus tôt. c'est pas le sujet, je veux dire, dans des tas de pays européens, ils parlent très bien l'anglais, ils parlent très bien d'autres langues, c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas être d'excellents citoyens de leur pays, je veux dire, ça a rien à voir. Mais entre le délire chauvin de l'autisme gaulo-bonapartiste et la négrification accélérée, vous avez là un cocktail détonnant pour transformer la France en espèce de poubelle haïtienne. Vraiment, quoi. C'est-à-dire, ouais, on va faire une cloche et on va donner des cours de français à des Maliens. Et vous allez voir, hein, on va faire ça, hein, on va serrer les vis, là, et vous allez voir, on va en faire des Français. On va en faire des Français. Et c'est ça qui est drôle, et j'en termine et on passe ensuite au sujet suivant, mais plus ça merde, plus la droite française insiste. Il y a là, c'est la forme d'autisme, c'est l'autisme de la droite française. C'est-à-dire que plus ça marche pas, plus on insiste. Vous voyez, c'est une espèce de non, mais j'aurai quand même le dernier mot, tu vois. Et alors, ils reviennent constamment à la charge, quoi. Hein. Donc, j'ai cité des noms là, hein. Zemmour, De Villiers, Marion Maréchal, tout ce qu'ils proposent, ça sert à rien. Mais ils reviennent sans arrêt. Et leur fanbase continue. Ah ouais, super, il faut en venir, attends, et voilà. Alors, donc, Boubacar, ça s'appelle plus Boubacar, il s'appelle Marcel. Ou Robert, ok. Il va pas apprendre l'anglais, parce que quand même l'anglais. Donc bon, alors, cours de français, d'accord. Et on va lui foutre une blouse. En uniforme. Voilà, une blouse à Robert, voilà, d'origine malienne. Voilà, c'est un français. Bon. Ça va marcher, ça? Non, ça va pas marcher. Donc pourquoi on perd son temps avec ces conneries? Pourquoi on subit ça, je veux dire? Vous voyez? Donc ils font perdre du temps à tout le monde. Parce que si on n'a pas le bon diagnostic, on n'aura pas les bonnes solutions. Et pourquoi ils ne posent pas le bon diagnostic? Pourquoi ils s'acharnent avec cette histoire d'universalisme, d'assimilation? Pourquoi ils s'acharnent? Le tabou du racisme. Donc ils parlent comme la gauche d'hier pour ne pas être traités de racistes. Mais alors, qu'ils aillent tout de suite à l'essentiel, d'accord? Qu'ils prennent leur carte chez Macron, qu'ils prennent leur carte au Parti Socialiste, qu'ils aillent chez les communistes, et ils pourront parler à leur aise comme des gens de gauche. Ils n'ont pas besoin de passer par la droite, c'est pas nécessaire. S'ils ont un surmoi de gauche, qui a besoin d'assimiler le tiers-monde, ils peuvent passer directement par la gauche. Marion Maréchal peut tout de suite passer par la gauche, il n'y a pas besoin de se faire chier à parler de conservatisme, un truc qui n'a jamais existé d'ailleurs dans la politique française, ça ne sert à rien, ouais, qu'ils aillent directement par le centre républicain, là, voilà, et puis qu'ils utilisent leur formule, mais qu'ils arrêtent d'hameçonner le public pour faire du fric, en leur disant, dans une oreille, oh, il y en a marre des bougnoules et des nègres, hein, il est temps de les foutre dehors, hein, remigration. Et puis dès que les médias commencent à être curieux, ah non, hein, assimilation, république, ah non, nous on a un projet républicain, hein, on est fidèle à nos valeurs, hein, liberté, égalité, fraternité. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, voilà. Ce double jeu constant est absolument insupportable. Et parce qu'il est toléré, eh ben les gens se font enfumer. Et donc les années passent, la démographie se poursuit, les maternités sont pleines à craquer de têtes crépues. Ah ben, au bout d'un moment, tu finis en minorité chez toi. Voilà. Parce que pourquoi? Ben, t'auras ouvert ta télé, t'auras écouté des cons qui t'auront fait perdre du temps avec des solutions qui n'en sont pas. Oui, et puis ici, tu n'auras pas voulu passer pour un raciste, parce que le racisme, on sait où ça va. Mais c'est ça. Et oui, on en revient toujours là. Hein. Ah, c'est qu'on a une chape de plomb qui est sur nos têtes, et tant qu'on n'aura pas viré cette chape de plomb, ce sera voilà des guignols comme ça, qui nous diront, ben oui, on va mettre une blouse, on va mettre une blouse à Mustapha. Ok. Mais j'en suis même convaincu, je veux dire, cette droite-là est plus néfaste que la gauche, parce que d'abord la gauche est en train d'abandonner les références à l'universalisme, pour des raisons de pragmatisme électoral et sociologique, hein, je veux dire, voilà, hein, ils se font élire par des musulmans, donc, ils abandonnent. Mélenchon, on est la plus belle fleur. Donc, pourquoi devoir... La gauche ne peut plus porter sa croix, et c'est la droite qui se précipite pour la porter à sa place. Je veux dire, on se tape la tête contre les murs. Bon, voilà. Donc la gauche. Mais ça, c'est spécial. Rappelez-vous quand Marine Le Pen avait dit, mais moi, je suis une radicale socialiste. Quand un journaliste lui avait dit ça, elle a dit, mais vous découvrez la lune? Moi, je suis une radicale socialiste, donc Troisième République. Je suis pour la Troisième République et notre arrière-grand-papa. C'est tout à fait ça. Oui, la droite, c'est en fait, ouais, elle reprend les vieilles lubies de cette... du radicalisme Ratsoc, c'est une Ratsoc. C'est une Ratsoc, comme Chirac. C'est ça, c'est une Ratsoc. C'est comme Chirac et comme tous ces gens-là, ils sont, c'est tous des Ratsoc. Si vous demandez, c'est quoi le logiciel j'aime bien des fois, ils disent, la France éternelle. Tu sais, ils parlent toujours de, je sais pas, de Clovis ou machin. Ah non, vous avez rien compris. La France éternelle, c'est le radical socialisme. Ça, c'est tout à fait ça, exactement. Ah oui, c'est la France éternelle, c'est le radical socialisme. Vous en finissez. Et c'est le rouleau compresseur républicain, nous disait Marine Le Pen. Quelle bêtise, et je reste poli. Ça va qu'il cale bien quand même maintenant le rouleau compresseur. Il compresse plus grand chose, mais bon. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Je veux dire, au moment où on va enfin libérer l'essentialisme, parce que c'est quand même ça ce qui doit fonder quand même notre combat politique. Eh non, et à l'extérieur, non, pas l'essentialisme, surtout pas, au contraire, au secours, horreur et damnation. Non, l'universalisme, on est tous pareils, l'égalité. Ouais, allez. Enfin bon, laissons ces gens-là agonir, mais enfin, quand même, je tenais à le dire, parce que ils n'arrêtent pas. Bon, ils n'arrêteront pas, mais voilà. Alors, sujet suivant, messieurs, qui n'est pas un petit sujet, en rubrique science, hein, c'est une... c'est ce qui s'est passé au Parlement européen par rapport au Covid-19 et par rapport à la vaccination, puisque les responsables de Pfizer en Europe ont pu être interrogés par un certain nombre de parlementaires européens. Et de manière très révélatrice, lors de ces échanges, les représentants de Pfizer en Europe ont admis qu'ils n'avaient jamais testé le vaccin avant de le commercialiser. Ils n'avaient pas pu s'assurer que le vaccin était efficace, c'est-à-dire qu'il faisait ce que devait faire un vaccin, c'est-à-dire empêcher la transmission. Hein, voilà. Donc, on nous avait pourtant dit, hein, vaccinez-vous pour protéger les autres. C'est ce qu'on avait dit. Donc, sous-entendu, ça bloque la transmission. Alors, un extrait, hein, voilà, lors de l'audience donc, Covid au Parlement européen, le directeur de Pfizer admet qu'aucun test sur l'arrêt de la transmission du Covid n'a été réalisé sur les vaccins avant la mise sur le marché. Le pass sanitaire a donc été imposé sans aucun fondement scientifique, dit donc cette personne sur Twitter, qui cite l'extrait vidéo des échanges qui sont en langue anglaise, mais quand même intéressant. I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Alors, je me tourne vers vous, parce que vous avez connu cette phase, évidemment, de pro-vaccinale, avec tous les arguments qui sont suivis. Je vais me tourner peut-être vers Vincent, parce que toi, t'es plutôt un homme de science, hein, à l'origine. T'es un scientifique, t'es un matheux, un spécialisé dans la physique. L'aveu de Pfizer, qu'est-ce que ça te dit ? Dans cette affaire, il y a un problème quand même. Il y a un problème, c'est qu'on mélange un peu, hélas, des choses. L'aveu Pfizer, d'abord, n'est pas un aveu, hein, je tiens à le dire. C'est que un vaccin est fait d'abord pour protéger la personne qui se vaccine. Ensuite, quant à la transmission du virus, c'est une autre chose. Alors, ça n'enlève rien que l'argument qui consistait à dire « vaccinez-vous pour les autres » n'était pas fondé scientifiquement au départ, justement, parce qu'il n'y avait pas eu, on ne pouvait pas faire d'analyse sur la transmission du virus. Alors, encore une fois, le vaccin est fait pour protéger celui qui se vaccine. Et c'est pour ça que le discours politique qui a consisté à dire « vaccinez-vous pour les autres » était un discours qui absolument était non scientifique. On n'a jamais vu ça. Hein, je veux dire, là, ça a été une grande manipulation à coup de bons sentiments. Hein. Donc, attention, il faut éviter, parce qu'ils nous attendent toujours au tournant en disant « mais vous racontez n'importe quoi ». Donc, non. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'aveu là-dessus, sur ce truc-là, parce que dans les... dès que la... Je t'arrête quand même, il y a quand même un aveu dans le sens où Pfizer, lors de la livraison de leur vaccin, et même dans les prises de parole de Bourla, donc leur PDG, ils n'ont jamais dit on l'a pas testé par rapport à la transmission. Ils ont dit non, mais il faut le prendre parce que ça va bloquer la transmission. Bourla était clair, il a dit ça bloque la transmission, il était catégorique. Et ils n'ont jamais dit non, mais on l'a pas testé, on ne sait pas, on peut pas vous garantir. Ils ont jamais parlé comme ça. Donc en ce sens-là, alors, c'est un aveu, je veux dire. Ils ont pas dit, s'ils avaient dit à l'origine non, mais on l'a pas testé, on peut pas vous garantir quoi que ce soit, ce serait pas un aveu. Mais ils ont prétendu qu'il avait été testé. Mais quand il a été mis sur le, le jour de la publication des résultats de ce vaccin, c'était le 8 décembre 2020, si j'ai les bons souvenirs. L'administration, la Food and Drug Administration américaine, a bien dit, hein, texto, à l'heure actuelle, on ne dispose pas de données permettant de déterminer la durée de la protection conférée par le vaccin, ni de preuve que le vaccin prévient la transmission du SARS-CoV-2 d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a toujours, hélas, dans ces problèmes-là, il y a toujours le discours scientifique précis, et il y a un discours, comme tu le dis, et là je te contredis pas, hein, il y a un discours public qu'on adresse au grand public qui consiste à être très très ambigu, de dire oui, ça, non, ça protège, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et le problème, c'est qu'on n'a pas, hélas, de médecins ou de journalistes assez sérieux pour lire les comptes rendus, dire attendez, non, votre discours public ne correspond pas au vrai discours qu'il y a là. Et c'est ça, moi, sur lesquels je proteste. Encore une fois, moi, je suis anti-vaccination. Hein. Donc, à l'heure actuelle, là, je pourrais dire que, alors, maintenant que je parle, je me fais pratiquement l'avocat du diable. Mais il y a toujours cette manipulation entre un discours public et un discours scientifique. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, méfiez-vous comme de la peste des effets d'annonce qu'on vous dit, allez voir les rapports en eux-mêmes. Alors, bien sûr, on va me dire, ouais, mais les rapports en eux-mêmes, c'est compliqué. C'est vrai, hélas. Mais moi qui lis les rapports en eux-mêmes, je me moque complètement. Je dis que si les journalistes faisaient bien leur travail, ça, c'est peut-être une impossibilité, il n'y aurait pas eu ce problème. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, et ça a toujours été très, très, très net. Hein. Je veux dire, ils ont toujours dit, non, on n'a pas de test à l'heure actuelle. On n'a pas de test sur la transmission. Là, tu parles des autorités américaines en charge d'homologuer. Je parlais des responsables de Pfizer. Bien sûr, après, eux, ils ont un discours public qui est fait en connivence avec les autorités politiques pour, naturellement, eux, c'est un problème. Parce qu'ils ont dit, ah ben oui, mais vous comprenez, c'est 2 milliards d'investissements. Sous-entendu, ben oui, c'est 2 milliards d'investissements, il faut qu'on les rembourse, donc allez-y, balancez le vaccin. Tout à fait. Non, je ne te contredis pas, mais le problème, c'est que voilà, c'est que je m'insurge toujours contre des gens, contre les journalistes qui ne font pas leur boulot face à un monde politique et à Big Pharma qui sont de connivence. Non, t'as raison, je dis pas que t'as tort, hein. Je dis simplement que ici le mot aveu était utilisé par rapport à cette parole publique de Pfizer. C'est-à-dire qu'ils ont contredit ce qu'ils disaient auparavant lorsqu'il s'agissait de vacciner tout le monde. De toute façon, c'est très connu hein, qu'il n'y a pas plus de faux discours que sur la vaccination. Hein. Encore une fois, en tant qu'anti-vaccinaliste, je suis au courant. C'est très connu, mais ce n'est pas assez connu, visiblement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont fait piquer quand même. Les gens ont peur. On mise sur la peur des gens, et après, voilà, sur le bon sentiment. Vaccinez-vous, vous éviterez de le donner aux autres, de le donner à une vieille personne qui va en mourir, patati patata. Et ça, naturellement, ces discours sont archi majoritaire, et pourtant je note que Libération l'avait bien dit aussi, hein. Dit attention, il avait dit encore en mars 2021, attention, il n'y a pas de preuve que ça baisse la transmission. Alors en juin, il y a eu des tests qui ont été publiés qui disaient, dont les conclusions étaient, je ne me prononce pas sur la validité des tests, hein, ça diminue la transmission. Mais dès qu'il y a eu l'apparition et des variants, on a dit, ah ben non, on ne sait plus. Donc c'est vrai que globalement, il y a toujours, encore une fois, ce discours public qui est intolérable et qui trompe les gens. Oui, parce que, comment dire, moi je me rappelle bien de la séquence, c'est-à-dire que quand, lors de la première phase de vaccination, hein, donc, parce qu'il y a eu plusieurs... il y avait Karine Lacombe qui a dit, parmi d'autres, hein, mais je veux dire, elle était invitée sur tous les plateaux, elle disait, donc on était à l'époque au mois de mai, lors de la première vaccination, donc la première vaccination a eu lieu quand mai 2021, je pense. Enfin, printemps 2021, me semble-t-il, quoi. C'est ça, printemps 2021, oui. Voilà, donc elle était au mois de mai, elle dit, non, mais de toute façon, c'était chez Bourdin, elle dit, mais de toute façon, quand vous vaccinez, c'est bon, quoi, la vaccination, la transmission est stoppée, c'est la fin de la pandémie. Elle était catégorique. Hein. Bien sûr, là, on va changer de paradigme, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une dose qui était assez limitée de vaccins, donc on a voulu protéger les plus fragiles d'entre nous. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le vaccin préserve la transmission. Absolument. Enfin, nous préserve du virus et nous préservons vaccinés ceux que nous côtoyons. Absolument. Donc c'est vraiment ça va vraiment permettre de couper la chaîne de transmission du virus. Et donc dans ce cadre-là, il faut qu'on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement protéger les plus faibles, mais on va protéger même ceux qui sont les plus vecteurs de la transmission, et en particulier les adolescents. Donc on attendait les résultats des essais thérapeutiques du vaccin Pfizer qui ont été publiés et qui montrent une efficacité et une très bonne tolérance. Et donc bien sûr, il va falloir ouvrir dès 12 ans pour les 12-18 ans la vaccination. Et j'espère que ça sera le cas au plus tard à la rentrée et si possible dès cet été. Elle s'exprimait comme ça. Et c'était le discours général. Et là, on était juste au moment où on était en train de vacciner les gens. Il fallait convaincre les gens d'aller se faire vacciner lors de la première vaccination. Donc ils étaient très catégoriques, etc. Et si vous rappelez l'anecdote, ils ont commencé à réouvrir, à rouvrir les boîtes de nuit qui étaient fermées jusqu'alors. Et alors, elles étaient uniquement autorisées, sous réserve d'être vaccinées, ou d'avoir un test négatif, vous vous rappelez ? Donc c'est là qu'ils ont ils ont commencé à introduire les contrôles, donc ce qui deviendra par la suite le pass sanitaire et le pass vaccinal. Et alors, au bout d'une semaine, 10 jours, on s'est rendu compte que les boîtes de nuit devenaient ce qu'ils ont appelé des clusters, en fait, donc des foyers de viraux, hein, et que la transmission se tournait à fond entre vaccinés. Et il y a eu un bug dans la narration à ce moment-là, public, quand on a vu que les premières boîtes de nuit, c'est venu assez vite, hein, c'est venu au bout de deux semaines de réouverture des boîtes de nuit, que les boîtes de nuit devaient être des foyers de transmission. Et là, il devait expliquer. Et comment vous expliquez ça, que les gens sont vaccinés, qu'ils utilisent un pass, ou alors qu'ils ont un test négatif, et qu'ils transmettent quand même? Et là, les autorités ne répondaient pas. C'est-à-dire que c'était oui, on leur disait... Ce sont des gens qui sont mal vaccinés, je m'en rappelle très bien. Ah, ça, j'ai pas entendu. Alors, ça, c'était du genre, ouais, mais en fait, non, il y a des gens, ils sont pas vaccinés ou ça prend pas tellement. Ou alors, ils avaient pas le circuit vaccinal complet. Il y avait tout un discours qui noyait le poisson en disant, ouais, mais non, en fait, c'est pas de la faute du vaccin, parce que c'est jamais de la faute du vaccin, c'est les gens qui ont mal fait le truc ou ça a mal pris. Et justement, moi, à l'époque, j'avais dit, si on n'est pas sûr que ça prend bien, où est la protection? Où est la protection à ce moment-là? Et je me rappelle très bien de l'affaire des boîtes de nuit. J'avais dit, bon, ben voilà, c'est la preuve que ça n'arrête pas la transmission. Alors, du coup, si vous voulez, à partir de ce moment-là, il y a eu un doute qui s'est installé. Parce que les gens se sont dit, mais attendez, pourquoi on se fait vacciner alors qu'on nous a dit, vaccinez-vous pour vous, mais aussi pour les autres. Sous-entendu, si vous vaccinez, vous empêcherez la transmission. Et là, avec les boîtes de nuit, ça, le doute s'est installé très très vite. Hein, Et bon, ils ont continué à marteler, non, mais protégez-vous, protégez les autres, protégez-vous, mettez les clips à la télé, etc. Bon, ça n'arrêtait pas. Et en plus de ça, il y avait toutes les voix discordantes qui disaient, attendez, là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais vous êtes anti-vax, anti-scientifique, vous comprenez rien, vous délirez, etc. Alors bon, il y avait parmi les anti-vax, c'est sûrement des gens qui délirent. Enfin, il y avait aussi des gens qui posaient des questions très pertinentes quand même. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui délirent et ils s'en servent, voilà, pour discréditer. Ah oui, non, mais ça, ça c'est terrible. Bon, évidemment, c'est très efficace. Bon, bah oui, forcément. Alors les gens, ils se sont fait piquer, hein, ils ont fait la deuxième, la troisième, la quatrième, et puis les variantes sont là, et puis là ils disent, parce que Bourla l'a expliqué, parce qu'il vend son produit. Alors, mais ça, moi je le savais, enfin ceux qui s'informaient le savaient, c'est qu'ils ont un autre produit qui est en fait une espèce de cachet que vous prenez pratiquement à vie pour vous protéger contre ça. Ben, il faut encore plus d'argent, bien sûr. Alors, elle a dit, oui, j'ai encore attrapé le Covid. C'était là, au mois de septembre. Hein. Il a attrapé au mois d'août et au mois de... Il dit, il a attrapé deux fois. Je mens pas, hein, bourre là. Hein. Et là, je suis sous traitement. Alors, le dernier traitement Pfizer qui est sous cachet, quoi. Et alors, bref, il fait la promotion du truc. Vous comprenez qu'on va basculer sur le cachet à perpétuité, quoi, en gros. Hein. Comment ça va être proposé, je n'en sais rien. Enfin, lui, il suit le ça marche, son processus, quoi. Mais il y a quand même eu de la confusion, mais les gens ont continué à suivre. Et là, les gens de Pfizer, on ne s'en rend pas compte. Enfin, même les gens qui ont connu toute cette phase-là, je trouve qu'ils ne se scandalisent pas assez. Parce que pendant deux ans, au moins deux ans, on les a écrasés sous la propagande en leur disant « Vous devez vous vacciner !» On a chassé les gens de leur profession dans certains cas. On leur a rendu la vie impossible. Certains ont perdu leur emploi, etc. Enfin, ont été plongés dans des situations personnelles atroces. Parce qu'on dit, vous devez être vacciné pour protéger les autres, notamment les personnels de santé. On leur dit, mais vous pouvez pas être... Comment pouvez-vous, éthiquement, être infirmier ou autre, et refuser de vous vacciner? Bon, si vous le faites pas pour vous-même, faites-le au moins pour les autres. C'est ce qu'on leur disait. On a justifié comme ça ces mesures iniques de mise au ban. Et là, Pfizer arrive au Parlement européen, et la nana de Pfizer rigole, c'est ça qui est le plus sidérant, c'est-à-dire qu'elle est même pas en train de se cacher, elle dit, bah oui, mais on nous a demandé de faire ça très vite, donc voilà, bon, on n'avait pas le temps, rendez-vous compte. On voilà. A suivi la science. Ouais, on a suivi, ouais, en plus le truc, elle dit, on devait suivre le rythme de la science. Mais qu'est-ce que veut dire cette phrase, je veux dire? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre le rythme de la science? Ça veut rien dire, vous comprenez? Ils font des phrases et mettent le mot science dedans. Et c'est censé avoir un effet magique. Donc, paradoxalement, jamais la science est devenue aussi magique qu'aujourd'hui, quoi. Et voilà. Quelque chose qui est extraordinaire, c'est son lapsus révélateur. Mais il faut écouter l'anglais. Il faut pas lire que les sous-titres français. Elle répond, on n'avait aucune preuve, au lieu de dire que le vaccin arrêtait la transmission, elle a dit que le vaccin arrêtait l'immunisation. Donc, si vous écoutez bien l'anglais, elle le dit. Hein. Elle fait un lapsus terrible, terrible. Ouais, en fait, moi, j'ai éclaté de rire quand j'ai dit « Oh, le lapsus révélateur !» Puis, ce qui prouve qu'elle était mal à l'aise quand même, parce que quand on fait un lapsus de ce genre, énorme. Ce qui veut dire, en fait, explique concrètement la différence entre le fait de dire « Oui, bon, on n'a pas testé la transmission » et le fait de dire « On n'a pas testé l'immunisation ». Est-ce que tu peux juste expliquer ça pour nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas très, très oui, versés? C'est que normalement, le vaccin, encore une fois, il est fait pour protéger la personne, c'est-à-dire pour renforcer ou pour activer une immunisation sans qu'elle ait officiellement, enfin, sans qu'elle ait attrapé le virus très très pathogène. En gros, si on veut très très simplifier, hein, et je parlais des vaccins traditionnels, on vous injecte un virus tué ou très affaibli, et comme ça, on vous fait créer des anticorps, et lorsque le virus très fort viendra, eh ben comme les anticorps sont déjà faits, vous le combattrez sans avoir la maladie. C'est ça, là, en théorie. Et alors que la transmission du virus, c'est grâce au vaccin, vous n'aurez plus de virus en vous qui pourra être pathogène, donc vous ne pourrez plus le transmettre à d'autres personnes. Mais ça pose tout le problème, ce qu'on appelle les porteurs sains. Les porteurs sains, ce sont des gens qui ont le virus, mais qui ne développent pas la maladie. Alors bon. C'est assez compliqué d'ailleurs. Il y a des choses qu'on n'explique pas encore parce que tous les mécanismes immunologiques sont très complexes, hein, très très complexes. Donc voilà. Donc quand elle a dit on n'avait pas de preuve sur l'immunisation, j'ai vraiment éclaté de rire en écoutant en anglais naturellement, hein, en disant le lapsus terrible. Qu'est-ce que ça veut dire donc concrètement quand elle dit on n'avait pas de preuve sur l'immunisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire en gros qu'on n'avait même pas de preuve que le vaccin fonctionnait bien, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas de preuve que ça allait vous immuniser. Je veux dire, et d'ailleurs, alors encore une fois, j'évite de trop me prononcer sur des problèmes très très complexes, mais on a dit au départ, vaccinez-vous, vous êtes sauvés. Puis après, il y a des gens qui ont quand même attrapé la maladie, et dans des formes assez sévères. On dit, mais non, il faut une deuxième, puis une troisième. Ça vous paraît pas étrange qu'on vous dise, parce que normalement, le vaccin, il devrait vous immuniser une bonne fois pour toutes. Alors on dit, mais non, mais l'immunisation... Elle ne dure pas. Il y a des moments où l'immunisation, elle disparaît. Donc il faut revacciner. Mais tout ça, ça devrait quand même dire aux gens, il y a quand même des choses qui vont pas dans le discours, parce qu'on nous a toujours dit, non, une fois que vous avez vos anticorps, vous les avez à vie, ou vous les avez pendant 20 ans, 30 ans, c'est bon. Et puis soudainement, on nous dit, non, il faut faire des rappels. Alors pour certains vaccins, on nous dit, il faut faire tous les 15 ans, ça va. Mais là, on nous dit, non, attendez, il faut faire très très vite, il faut faire le deuxième. Et ça prouve bien que tous ces vaccins dont on nous dit, non, mais c'est bon, vous allez être immunisé, vous aurez vos défenses immunitaires, tout cela sera prêt. Quand bien même ce discours serait exact, vous savez même pas pour combien de temps vous les avez. Donc, encore une fois, le meilleure façon, c'est de vivre sainement, d'avoir des défenses immunitaires naturelles, d'être en forme, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir du diabète gras, etc., d'avoir une vie saine, justement. C'est pour ça que moi, je suis anti-vaccinaliste, encore une fois. C'est parce que je dis, plutôt que de nous injecter des produits dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ou dont on ne sait pas les effets à long terme, avec tous les adjuvants dont on ne connaît pas les effets à long terme, il vaut mieux avoir un corps sain et organiser ses défenses immunitaires soi-même. Voilà, c'est ma position, personnellement. Après, je l'impose à personne, hein, mais voilà. Bah oui, d'ailleurs, le truc qui aurait dû mettre la puce à l'oreille de tout le monde, et ce que quand même les gens qui étaient opposés à la vaccination de masse coercitive, on va dire, ont mis en avant très tôt, c'est le fait que Pfizer a pris et les autres entreprises d'ailleurs qui avaient des vaccins anti-Covid ont pris les devants et ont fait signer des clauses lors de la négociation de la vente de ce vaccin à l'Union européenne et à différents États, dégageant leurs responsabilités. Alors j'ai suivi ça avec intérêt, c'est-à-dire qu'au départ, les mecs ont dit non, c'est pas vrai. Donc typiquement, la presse dit non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ces clauses n'existent pas, c'est un mythe des antivax. Et il y a un article extraordinaire que j'ai trouvé, qui est dans Libération. Bon, oui, c'est vrai, ça existe. Mais ça ne veut pas vraiment dire ce que ça veut dire. C'était extraordinaire. Donc oui, non, Pfizer a complètement négocié sa protection juridique. C'est-à-dire que ils ont dit des choses comme ceci. Les pouvoirs publics nous demandent de leur fournir en un temps record un vaccin. Il est impossible pour nous de faire des tests dans les temps habituellement impartis pour homologuer un vaccin. Donc, par cette clause, nous demandons d'être dégagés de notre responsabilité si jamais il devait y avoir des effets secondaires, etc. Voilà, on ne veut pas pouvoir être poursuivi parce que nous n'avons pas pu suivre le protocole habituel. Et c'était ça, et c'est ce qu'ils ont signé. Donc, ils sont tranquilles à Pfizer. Les mecs, ils vont brandir les clauses. Vous allez poursuivre personne. Et alors, vous avez qu'à regarder. Hein. Il y a des avocats qui essayent de poursuivre malgré tout. Ils n'arrivent à rien à cause de ça. Donc, qui va payer si jamais il y a des complications sanitaires très importantes, enfin, si des gens meurent, quoi, en gros, quoi. Bon, il y en a déjà qui meurent, si vous voulez, mais au point de vraiment faire un énorme, parce que c'est une question d'ordre politique. C'est à un moment donné, est-ce que dans la société, le nombre de personnes atteintes d'effets secondaires graves sur le moyen et long terme atteindra une masse telle que ça va devenir un problème qu'on ne pourra pas ignorer, que les pouvoirs publics ne pourront pas ignorer politiquement. Et donc atteindront une masse critique, enfin, le nombre de victimes atteindra une masse critique et deviendra un problème politique qui devra être réglé devant les tribunaux. Tant qu'il y a des pertes, mais que c'est pas trop visible, la masse de gens vaccinés ferme les yeux. Vous comprenez? C'est ça l'enjeu actuellement. C'est-à-dire que vous avez des vaccinés, beaucoup de vaccinés savent qu'il y a des effets secondaires, mais l'opinion parmi les vaccinés qui conditionne la suite. C'est-à-dire que si les vaccinés disent « Bon, moi, je me suis fait vacciner, je trouve ça positif », vous leur dites « Ah ouais, mais il y a des gens qui sont morts de la vaccination. » Mais les mecs disent « Ouais, mais moi, je suis protégé, donc je m'en fous. » Tant que ces gens-là sont beaucoup plus nombreux que les pertes ou que les proches de gens qui meurent ou qui ont des effets secondaires graves, il ne se passera rien. C'est du cynisme pur. Hein. Mais si le nombre de gens qui souffrent d'effets secondaires graves augmente de manière significative au point de ne plus pouvoir être invisibilisé, à ce moment-là, il va y avoir des demandes de poursuite que les tribunaux vont avoir du mal à ignorer. Vous comprenez ? Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont regarder les tribunaux et dire « Attendez, vous pouvez pas ne rien faire, là, n'est-ce pas ?» Donc c'est une question de pression dans l'opinion publique. Ils le savent, ils le savaient dès l'origine. C'est pour ça qu'ils ont demandé ces clauses pour se protéger. Les pouvoirs publics, évidemment, le savent aussi. Et, mais rassurez-vous, ils se sont tous couverts. Voilà, hein, donc, mais c'est pourtant la réalité. Alors les effets secondaires, ils existent, grave. Il y a des gens qui sont morts, il n'y a pas de problème. Simplement, pour le moment, la masse n'est pas critique. Voilà la réalité, c'est absolument atroce. Moi, je pense, hein, bon, après là, si vous voulez, c'est vrai que c'est... Ce que je vais dire n'est pas scientifique, d'accord ? J'ai pas fait des... Par définition, c'est pas ma formation. Mais je pressens quand même beaucoup de ramifications dans cette vaccination qui n'a jamais été expérimentée sérieusement en laboratoire, hein. Je veux dire, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes quand même pour les vacciner. Oui, mais alors le problème, ce qu'ils vont se poser, c'est que, et ça c'est pas du tout nouveau dans ce phénomène de la vaccination, c'est que les effets secondaires à long terme sont extrêmement délicats à prouver. Ah oui. C'est ça, c'est qu'en fait ils jouent après sur le long terme. Ouais. Les familles, quand il y a une leucémie, même quelques années après ou quelques mois après. Il y a toujours le fait de, ouais, mais rien ne prouve que la leucémie est due au vaccin. Ouais. Et la preuve est en général très dure à apporter, voire impossible. Et ensuite, il faut voir aussi un facteur psychologique qui joue beaucoup. Exemple, vous avez un mort dans votre famille. Ça a été assez douloureux d'avoir un mort dans sa famille à cause d'un vaccin, par exemple. Vous allez devant les tribunaux. Ça prend déjà du temps. Et une fois que, même si vous avez, si on vous donne raison en première instance, le laboratoire, qui lui a des milliards, ils s'en moquent, il va faire appel. Ils ont même leurs propres avocats, ils s'en moquent. Ça veut dire qu'il va falloir refaire toute la procédure. Tout le temps que vous faites la procédure et que vous êtes dedans, c'est le souvenir de la personne qui est morte qui vous hante. Et bien, il y a des gens qui craquent, qui disent non, tant pis, je laisse tomber, je veux laisser ça derrière moi, je veux faire mon deuil. Et c'est un argument qu'on ne connaît pas quand on n'a pas vécu, de gens qui me disent non, j'abandonne parce que c'est, voilà, en permanence, ça nous rappelle la mort de cette personne et on ne veut pas le faire. Donc, ils abandonnent et ça joue sur ça. C'est pour ça que même, quand bien même il y aurait à long terme des effets secondaires, ça va être quasi impossible. Sauf si c'est massif et spectaculaire, je veux dire. Hein. Ouais, mais il faut que ce soit massif et spectaculaire. Voilà. Et là, ça va être difficile. Là, parce que quand on voit même Bhopal, où les gens, bon, en Inde, ont été, je veux dire, c'était pas une vaccination, là, mais c'était une usine qui est américaine, une John Carbide, qui n'avait pas les consignes de sécurité. Bon, ben, ils ont des avocats super puissants, ils arrivent à ralentir la justice. Et il y a plein de gens, soit qui meurent, au bout d'un moment d'ailleurs, soit qui veulent plus en entendre parler, et c'est terrible, hein, c'est terrible, hein, c'est vraiment un phénomène. Tant que le peuple ne se lèvera pas en disant, on exige des discours vraiment scientifiques, pas les porte-paroles, pas les politiques, on exige que des gens neutres nous montrent les rapports et nous en dégagent pour nous, mais des gens neutres, ce sera très très dur. Il y a aussi un phénomène intéressant, psychologique, c'est-à-dire, et ça c'était en œuvre en Union soviétique, j'en ai déjà parlé par le passé, qui est un mécanisme de gestion des masses, en fait. Donc dans les systèmes communistes, et notamment l'Union soviétique, on faisait faire des choses stupides aux gens, mais manifestement stupides, c'est-à-dire que c'était, tout le monde se regardait, non, mais c'est complètement débile. Mais les gens le faisaient quand même, parce qu'il y avait la peur. Mais c'est un mécanisme psychologique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un truc débile, il y a un réflexe d'orgueil. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dédire. Parce que vous devez vous expliquer, mais monsieur, vous avez fait ça ? Vous avez été idiot à ce point-là ? Et en fait, les gens, bah, ils ont quand même leur fierté, ils préfèrent feindre. Même s'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont fait une connerie, ils préfèrent ne pas l'avouer pour préserver la face, quoi, sauver la face. C'est très puissant comme mécanisme psychologique, le fait de sauver la face. Et donc, si vous savez vous en servir, ça peut être très efficace. Et le fait est que beaucoup de gens se sont vaccinés, hein, j'ai regardé. Hein, donc là, il y a en France, il y a 13 millions de personnes qui n'ont pas été vaccinées, mais ça inclut les enfants qui, de fait, n'étaient pas contraints à la vaccination ou très fortement encouragés. Donc, il faudrait enlever les enfants. Mais il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées en France. Ce qui n'est pas du tout dérisoire, je veux dire. Hein. Je veux dire, 13 millions, c'est quand même une forte minorité, quand même. Hein. Mais le reste des gens s'est fait vacciner. C'est-à-dire que 54 millions de personnes se sont fait vacciner. Ces gens-là, ils ont accepté d'être vaccinés. D'accord ? Alors, on leur avait dit. On leur avait dit, attention, c'est dangereux. C'est un truc, c'est un produit expérimental. Il peut vraiment y avoir des... Ça peut très mal se passer. On ne peut pas vous dire dans quelle amplitude, mais ça peut très mal se passer. Alors, les gens sont genre là, oui, mais combien de personnes ça... C'est toujours pareil, quoi. Oui, mais combien de personnes ? Oui, mais quand ça t'arrive à toi ? Tu t'en fous de savoir combien de personnes sont touchées par ailleurs. Ça t'arrive. Comment tu fais pour sortir ? Je connais une personne comme ça. Depuis qu'elle s'est fait piquer, elle a eu un problème qui est récurrent. Elle a un problème physique récurrent là où elle s'est fait, injecter. Ah, voilà la situation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui souffrent vraiment. Et quand ça vous arrive, tout d'un coup, vous voyez le problème complètement différemment. Alors, tu as tout à fait raison. C'est de ce problème de quand les gens ont fait quelque chose de stupide, ils ne l'avouent pas. Et ils se convainquent eux-mêmes que c'était pas mal. En effet, l'expérience a été faite. En effet, par exemple, vous demandez à des gens, vous invitez des gens pour faire un travail pour une journée, un travail que vous présentez comme intéressant, mais en fait, ça va être genre coller des teintes toute la journée. Et vous allez, il y a un groupe que vous allez payer du genre 20 euros pour la journée, et un autre groupe que vous allez payer 300 euros. Le groupe que vous allez payer 300 euros, à la fin de la journée, vous lui dites alors c'était intéressant le boulot ? Les gens vous disent non, c'était de la merde, pardonnez-moi ma vulgarité, hein. C'était de la merde ce boulot, je comprends pas, on m'avait dit que c'était intéressant. Pourquoi l'avouent-ils ? Parce qu'ils ont une porte de sortie. Ouais, mais j'ai gagné 300 euros dans la journée, donc j'en ai rien à faire. Les gens qu'on a payé 20 euros, on leur dit alors c'était intéressant ? Ah oui, c'était une expérience. Ah bon, coller des teintes toute la journée ? Oui, bah. Et pourquoi se convainquent-ils que c'était intéressant ? Parce que oui, ils n'ont pas l'excuse qu'ils ont gagné du fric. Donc, quelqu'un qui se fait vacciner et qui a un accident après, si vous l'aviez payé 10 000 euros pour se faire vacciner, qu'il avait un problème, il dirait « Ouais, c'est dégueulasse, c'est vraiment du cacasse !» Parce qu'il pourrait dire « Ouais, mais bon, j'ai gagné 10 000 euros quand même. » ça pourrait être une petite excuse. Mais comme ces gens se sont fait vacciner volontairement, eh bien après, voilà, il y a la dissonance cognitive, ils n'arrivent pas à trouver une justification, donc ils disent « Oui, bon, j'ai pu rencontrer un problème, mais après tout, j'ai pas eu de chance, et puis malgré tout, ça m'a peut-être protégé de pire, j'aurais pu mourir de la Covid, etc. » Et là, tu as tout à fait raison, cette manipulation des masses en leur disant « On les pousse à faire quelque chose, mais sans leur donner davantage, en fait. » Et après, quand on a dit, mais vous avez été prévenu, vous saviez, etc. Et voilà. Et par dissonance cognitive, les gens vont dire, ils vont se justifier. Et voilà un autre, en effet, mécanisme psychologique qui fait qu'on manipule très, très facilement les masses. C'est toutes ces manipulations de masse qui sont très connues des États. J'ai également quelqu'un dans mon entourage à qui j'ai parlé de cet aveu au Parlement européen. Et il m'a répondu « Ah oui, mais ça, c'est pas nouveau, on le savait déjà. Dès le début, nous savions que les tests n'étaient pas faits. » Donc déjà, il nie l'importance de cet aveu. Mais alors je lui dis mais donc là, tu t'es fait rouler dans la farine. Donc tu peux admettre au moins que tu t'es fait rouler dans la farine. » « Ah mais non, on savait pas que ça allait s'écourter en termes de durée. » On pensait que ça allait durer éternellement. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est que ils admettent pas de se faire rouler dans la farine. C'est-à-dire il est plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire admettre qu'il s'est trompé. Oui, une fois qu'il voilà, ce que tu dis, c'est ça, c'est la personne à laquelle dont tu parles rationalise le fait de s'être fait escroquer. Donc elle est là, oui, non, mais tu comprends, j'ai pas vraiment été idiot et naïf. C'est simplement que à l'époque, compte tenu des informations qu'on avait, c'était le choix rationnel à opérer. C'est ça qu'elle t'explique, tu vois. Elle t'a dit, non, en fait, je ne me suis pas fait escroquer, c'est simplement qu'à l'époque, compte tenu des informations que j'avais, j'ai fait un choix rationnel. Tu vois, oui, mais tu t'es quand même fait rouler dans la farine. Non, j'ai agi de manière éclairée, tu vois. Mais en fait, un mec qui se ferait rouler par des gitans avec une arnaque téléphonique pourrait te parler de la même façon. Il disait, bah oui, non, mais compte tenu des informations que j'avais à l'époque, je ne me suis pas fait escroquer, hein, j'ai pas été un pigeon. Non, j'ai agi de manière rationnelle, compte tenu des informations qui sont en ma possession. Je veux dire. Mais je veux dire, tu peux. Mais là, l'objet consiste simplement à sauver la face. Si tu veux. Là, c'est l'ego qui est attaqué. Si tu veux. Et c'est, voilà, c'est ça. C'est effrayant parce que finalement, quand la personne est en train d'essayer de sauver, parce que c'est ça que tu lui dis, ouais, mais avoue, tu lui demandes en fait d'avouer sa faiblesse. Et tu vois, tu t'es fait avoir. T'as vu? Oui, parce que j'avais entendu de sa bouche qu'il n'allait pas y retourner. Bah, que bah c'était ouais. Donc qu'il fallait. Il admettait qu'il s'était fait rouler dans la farine. Ah non, parce que, et comme tu disais, compte tenu des éléments qu'il avait à l'époque, c'était la bonne solution. Ah, mais oui, ça a été très loin. Hein. On a fait des expériences psychologiques très très loin là-dessus. Hein. Jusqu'à faire, par exemple, des expériences qui ont été humiliantes, de faire poser des filles nues, mais sans leur dire au départ qu'elles allaient poser nues. Et à la fin, quand on leur disait alors, des filles qui au départ auraient dit « mais jamais, c'est scandaleux, c'est humiliant », bah après ils disaient « non, mais finalement, c'est vrai que le corps est beau, patati patata ». Ça a été très très loin, ces expériences. On peut rouler des gens dans la farine par ces procédés qu'on appelle donc de pied dans la porte. On va petit à petit, c'est pareil pour les discours de guerre d'ailleurs, et les gens n'admettront jamais qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Ils trouveront toujours une excuse. J'ai été bien payé, puis si j'étais pas bien payé, c'était pas, non, te coller des tomes toute la journée, c'est pas mal, poser à poil, oh ben oui, mais non, ça, j'ai mis mon corps en valeur, etc. C'est terrible, hein. Moi, j'ai lu des trucs, c'était horrifiant, horrifiant. Oui, puis ils les connaissent bien, hein. Je veux dire, bon, on n'a pas affaire à des amateurs, hein. Donc c'est parce que. Oh non. Parce que, bon, Big Pharma, c'est pas simplement, les médicaments présentés comme tels, je veux dire. Les substances, c'est aussi comment les vendre, c'est le marketing. Bien sûr. Donc comprendre comment font les réactions des masses, c'est ça, ils le connaissent ça, ils connaissent ça parfaitement. Enfin, c'est des pros du marketing. Là où ça a été nouveau, c'est, enfin pas nouveau, mais disons ça a été, l'intensité était nouvelle, c'est la coordination de tous les États, notamment en Occident, avec Big Pharma. Pour maximaliser les effets du marketing. Ça a été vraiment nouveau. Hein. On n'a jamais vu une force de frappe comme ça. Et ça a été un succès pas complet, mais pas loin d'être complet. Hein. Oh oui. Oui, quand même. Hein, je veux dire, il y a quand même, bon, en France, 54 millions de personnes se sont fait vacciner, donc c'est quand même un franc succès. Mais il y a quand même, et ça, est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a quand même 13 millions de personnes, alors il faut enlever les enfants. Il y a quand même 13 millions de personnes qui ont refusé mordicus de se faire vacciner. Alors c'est une minorité, mais qui a quand même eu la force de caractère, la force d'âme de dire non, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que quand on dit « Oh, de toute façon, le peuple, c'est des gros imbéciles, des veaux qui se laissent manipuler », je dis « C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a toujours moyen de ne pas être manipulé. Seulement, voilà, la majorité des gens, bah oui, mais moi, il faut que j'aille voyager, donc je me fais vacciner. Enfin, il y a toutes les excuses possibles. » Mais il y a toujours des gens qui peuvent dire non, ce qui prouve bien qu'une masse n'est jamais manipulable à 100%. C'est pas non, vrai. Pas à 100%. Il y a toujours un espoir. Par contre, ça condamne la démocratie, puisqu'on voit qu'on peut avoir une majorité d'abrutis. C'est... Ah ben ça, exactement. C'est pour ça qu'on a... Enfin, moi, j'ai toujours été anti-démocrate, parce que voilà. c'est une calamité. Ah oui, non, mais là, c'est franchement, hein, l'expérience du Covid, et on en termine sur cette rubrique... À mon sens, c'est la condamnation définitive de la démocratie. Bon, elle ne peut jamais être définitivement condamnée, mais vous comprenez le sens de mon propos. On n'a jamais touché le fond avec la démocratie. Non, justement, oui. Mais on en a la preuve, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez une majorité, hein, voilà, qui est univoque, elle est d'accord, elle veut foncer. Et en fait, ils en savent pas plus long, mais c'est l'effet de masse, quoi, qui obéit à ses maîtres. Voilà, donc non, la démocratie c'est effectivement de la merde, preuve en est, hein. Voilà, et ce sont les minorités avec une très forte détermination et une certaine conscience morale qui peuvent faire dérailler d'ailleurs la machine démocratique, d'ailleurs, hein, c'est ça en fait, parce qu'ils ont été quand même vachement emmerdés par tous les gens qui ont refusé quand même, hein, parce que. Faut bien le dire, hein. Ils ont dit oui, c'est une minorité, ça, oui, elle était peut-être une minorité, c'est une minorité. Enfin, elle les faisait quand même franchement chier, hein. Parce que quand on voyait la réaction de Véran, enfin des pouvoirs publics en général, je veux dire, mais de Macron, de toute façon, il avait dit, Macron l'a dit, il dit bon, j'ai envie de les faire chier. Les gens se disent, ah, Macron, c'est un salopard, etc. Mais attention, Macron, il a calculé son propos quand il a dit ça. C'est pas uniquement juste parce qu'il avait envie de dire du mal des non-vaccinés, parce que lui-même n'est pas vacciné. Hein. Ça, c'est ma conviction profonde. Hein. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Jean Lassalle, hein, qui est un député français. Il a dit, mais la plupart des députés ne sont pas vaccinés. La plupart des ministres ne sont pas vaccinés. Macron, il n'est pas vacciné. Mais je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas. Et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus. Bon, je vous rappelle qu'au moment du sang contaminé, il y avait, je ne sais plus quel ministre c'était, qui pour son fils avait eu besoin d'une transfusion de sang. Il avait été faire chauffer le sang, parce qu'il savait que justement, que le sang non chauffé pouvait être contaminé. Ah, c'est-à-dire que dans les milieux politiques, on le savait très bien. Voilà. On savait très bien que c'était pas un faux scandale, une thèse conspire, absolument pas. Hein. Et Jean Lassalle, qui a expliqué avoir été opéré depuis sa vaccination à plusieurs reprises du cœur. Hein. Son cœur a été déformé sous l'effet de la vaccination. Il s'est fait opérer à embrasse-paré. Il en a parlé face caméra. Hein. C'est ça qui l'a poussé. Alors on lui a demandé, mais pourquoi vous êtes vacciné ? Il a dit ce qu'aurait dit un plébéien. Il a dit, je pensais que je devais montrer l'exemple. Voilà, toujours une excuse. Oui, voilà, c'est ça. Je pensais que voilà. Alors, il s'est fait rattraper physiquement. Alors, du coup, il a un autre discours. Alors, maintenant, il balance tout. Il dit, les ministres sont pas... Et on sait qu'en plus, les ministres sont pas vaccinés. Comment on le sait ? Mon chalin, quand elle a voulu prendre l'avion... Elle n'était pas vaccinée, donc elle recourait au test. Et ce coup-là, elle n'avait pas fait son test. Donc ils l'ont rembarré de l'avion. Ils lui ont dit, vous pouvez pas embarquer. Ça a été tout un pataquès. Elle était sur les plateaux de télévision en disant, vaccinez-vous. Et quand on lui demandait, mais qu'est-ce que vous pensez des non-vaccinés ? Ouais, mais c'est des gens, c'est des irresponsables, etc. Elle faisait le tour des plateaux. Une ministre de Macron. Elle s'est jamais faite piquer. Et elle s'est fait poisser. C'était la même chose avec les confinements, ceci étant dit. Hein. Les mêmes ministres qui se retrouvaient dans des restaurants privés pour faire la fête. Pendant que les gars... En Angleterre, on a eu ça. Oui. Johnson s'est fait poisser, lui. Il s'est fait... Extraordinaire. Ce qui lui a probablement coûté son poste. Hein. Je veux dire, c'est ça qui... Ça a joué beaucoup dans l'opinion. Hein. Faut pas rêver. Hein. Mais même le mec... De toute façon... Le mec qui avait annoncé, là, le Britannique, qui travaillait au King's College, il avait fait un modèle qui est complètement bidon. Les gens avaient trouvé son modèle, et c'est un truc à coucher dehors. Enfin, c'était absurde. Et il avait dit, c'est grâce à ça qu'ils ont créé le vent de panique en France. Ils ont dit, si on ne confine pas, donc là on était en février 2020, si on ne confine pas, il y aura entre 1,5 million et 1 million de morts en France. Et ça a été sorti par Le Monde. Imaginez ça, vous dites ça aux gens. Il va y avoir 1,5 million, 1 million de morts si on n'enferme pas les gens chez eux. Vent de panique. Moi, je me rappelle, les gens peuvent se référer à tout ce qu'on a écrit là-dessus sur le site. On en rigolait déjà. Il y a 2 ans, d'accord ? 2 ans et demi. Hein. À l'époque, tourner ça en dérision, vous aviez l'écrasante majorité de la population contre vous. Hein. Il y avait la... À partir du moment où tout le monde était terrorisé, c'était parti, quoi. Mais le mec, pendant qu'il était en train de foutre la trouille à tout le monde, il allait retrouver sa maîtresse pour coucher avec. Alors qu'il était interdit de sortir de chez soi au Royaume-Uni. Et il s'est fait avoir. Il s'est fait serrer. Il a été surpris. C'est sorti dans la presse. Le mec s'est excusé. Il a dit « Excusez-moi, machin, tout. » Voilà. C'était un associé de Bill Gates de longue date. Ça faisait très longtemps qu'il touchait des aides de Bill Gates. Donc le mec avait prêché l'apocalypse, qui avait dit que c'était que tout le monde allait crever s'il restait pas chez eux. Le mec, il allait tranquillement voir sa poule. C'était même pas sa femme. C'était vraiment une maîtresse en plus. Donc ça lui a coûté des tas de problèmes. Et voilà, ça a toujours été une escroquerie. Mais quelles sont les réactions après? Il a dû se mettre en retrait parce que bon, il s'est fait avoir. Boris Johnson. Ouais, mais je parle des réactions générales du peuple. Non, ils ont continué à foncer parce que ça s'est su après coup, ceci étant dit. C'est vrai que ça s'est passé tout de suite. C'est la même chose avec l'euro. On nous avait dit, rappelez-vous, mais l'euro c'est la solution. Il y aura plus de crise. Hein. Enfin, on va vraiment bien surmonter les crises. Oui. Et aujourd'hui, là, on en est où là ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'euro ? Mais les gens ne se révoltent pas, donc ça continue. Moi, je conclurai enfin, mon propos pour cette rubrique, je dirais ça. Bon, maintenant que vous avez ce recul sur le Covid-19 et la façon dont on réagit des pouvoirs publics, dont on a vu le lobbying en action, la corruption généralisée, le mensonge de tous les dirigeants, pas seulement en France, hein, au niveau de l'Union européenne, partout. Quand on a vu ça, et que les types vous ont dit « Non mais rassurez-vous, le vaccin est sûr, efficace, ça vous protège et ça protège les autres. » Rappelez-vous ça. Donc les types vous promettent monts et merveilles. Et vous regardez le résultat. Alors, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui a été promis, hein, évidemment, mais bon. Mais imaginez par rapport à l'immigration de masse. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Alors, c'est une expérience qui est beaucoup plus risquée, hein, l'immigration de masse, hein, virtuellement. Parce qu'on nous a dit pendant 50 ans, l'immigration, c'est bon pour nos pays. Une chance pour la France. C'est une chance pour la France. C'est un enrichissement. C'est une opportunité extraordinaire. Vous connaissez tout ça, hein ? C'est sûr et efficace pour génocider le peuple autochtone. Non, ils disent pas ça comme ça. Non, ils disent non, c'est extraordinaire. Vous avez vu, on fait pas assez d'enfants. Donc, qui va payer nos retraites ? Donc, il y a tous les vieux qui sont là en train de compter leurs sous, qui sont là. Mokhtar, il va payer ma retraite. Ouais, parce qu'ils réfléchissent comme ça. Hein. Bref, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe si ça merde ? On sait que ça merde. Mais qu'est-ce qui se passe si ça merde ? Comme ça va merder. Dans les grandes largeurs, ok ? Parce que c'est une expérience inédite. Hein. Vous transplantez 10, 20 millions d'extra-européens en France. On vous dit, non, mais vous allez voir, ça va, la France va se porter beaucoup mieux avec 20 millions d'allogènes supplémentaires, surtout s'ils sont musulmans. Ça va être beaucoup mieux. La société française va beaucoup mieux se porter. Vous allez voir, les résultats seront au rendez-vous. N'écoutez pas l'extrême droite, les racistes, les xénophobes, de toute façon, c'est des gens qui sont pessimistes. Bon, c'est la France rabougrie, c'est la France qui pue. Les pavillons de banlieue, la France qui pue. La France qui pue. N'écoutez pas ces gens-là. Non. Vous allez voir, les lendemains vont chanter. D'accord. Si ça se passe comme avec les responsables de Pfizer, ça peut être intéressant, hein. Donc imaginez, hein, balkanisation totale, donc l'état-providence français s'écroule, financièrement, c'est-à-dire tout s'écroule, l'Union européenne, enfin tout s'écroule, ok, il n'y a plus de pognon. Tous ces gens-là qui étaient nourris aux subventions, CAF, tout, plus d'argent, comment on fait ? Tout implose, donc ça devient ultra-violent, ça se libanise, et là vous aurez les responsables qui ont... Donc, au MEDEF, dans la presse, les grands patrons de presse, et de Vie Plenelle et compagnie, disons, oui, mais on ne pouvait pas savoir à l'avance. On n'a pas voulu cela. C'est pas ce qu'on recherchait, non, on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir. C'est peut-être parce que vous avez été un peu trop raciste avec les millions qui sont venus. Quoi. Non, ils diront pas ça, parce que là, il y aura un tel bouillonnement. Non, mais on ne pouvait pas savoir, Vous voyez, moi, je vous invite à réfléchir, parce que c'est ce que vaut la parole de vos dirigeants. C'est ce que vaut la parole de vos dirigeants, d'accord ? Il y a deux ou trois émissions, on a bien parlé de Macron qui avait dit que la politique d'immigration était absurde. Hein ? Je veux dire, quand absurde. Avant de dire ça fait 30 ans qu'on nous dit que c'est génial et maintenant on nous dit que c'est absurde la bouche en fleurs. Non, avant de dire, on va faire la même dans les campagnes. C'est ça. Ça a été absurde, donc on va transplanter ça dans les campagnes et vous verrez, ça va marcher bien maintenant. Voilà. Bon, après, c'est les complotistes, tous ceux qui sont pas d'accord, qui sont fous. Moi, je veux bien, hein, mais ce que je veux dire, et j'en termine, donc, ils mettent la barre très haut pour eux-mêmes, hein, parce qu'ils promettent monts et merveilles, donc la barre est quand même très élevée. Si le résultat n'est pas au rendez-vous à la fin de la fin, je ne sais pas comment ils comptent gérer leur porte de sortie, mais ils vont avoir besoin de courir très très vite. Ils vont avoir vraiment besoin de courir très très vite. Parce que... alors oui, peut-être les huiles, hein, je veux dire, vraiment les huiles, le top du gratin, ils ont déjà leur jet privé, donc... ils vont s'envoler, ça va... Voilà. Bah, ils n'ont pas tous des jets privés quand même, hein, je veux dire, donc à mon avis, ça peut vraiment déconner, quoi. Voilà ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire que si la politique d'immigration suit la même évolution que la politique vaccinale, attention, hein. Attention. D'où peut-être leur besoin d'une guerre pour un petit peu, hein, parce que c'est ça au fond. Hein. C'est quand la pression intérieure devient trop forte, il faut trouver un exutoire. Hein. Pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de démocratie participative. Anlass deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Bemühen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 7, épisode 34. Alors, nous allons parler des développements, évidemment, en Europe de l'Est, face à la Russie, puisque ces développements prennent un tour de plus en plus grave. Je pense que les auditeurs le mesurent progressivement. Au départ, un certain nombre d'entre eux n'ont pas dû prendre ça très au sérieux. Donc, sur le site, on avait expliqué dès l'automne 2021 que la Russie passerait l'offensive en Ukraine. Les gens trouvaient que c'était une analyse erronée. Non, c'est du bluff, ça n'aura pas lieu, etc. Et puis finalement, les choses se sont quand même produites. Maintenant, après 8 mois d'invasion, les choses se précisent et nous allons en parler. Ça mérite d'être analysé ensemble. Alors, le premier point abordé aujourd'hui, et qui est très révélateur, c'est par rapport à Nord Stream. Donc le fameux gazoduc, donc il y en a plusieurs, hein, plusieurs lignes de gazoduc, Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui lie la Russie à l'Allemagne et qui permet à la Russie de livrer du gaz à l'Allemagne. Donc approvisionnement massif, absolument nécessaire à l'économie allemande, à l'industrie allemande, pour fonctionner. Et comme vous le savez, il y a eu une attaque contre ces gazoducs, une attaque très aboutie, très sophistiqué, qui nécessite des moyens importants et donc qui ne peut pas être le fait d'amateurs ou d'un petit groupe privé, mais bien qui implique des moyens d'État. Alors la Suède a lancé une enquête, puisque cela s'est passé dans ses eaux territoriales, et afin de déterminer qui étaient les auteurs de cette attaque. Et alors elle a informé cette semaine l'Allemagne et le Danemark qu'elle ne leur communiquerait pas les conclusions de cette enquête en raison des implications sécuritaires de celle-ci. Autrement dit, les conclusions sont trop problématiques pour la Suède pour être dévoilées. Hein, donc ils ont informé leurs alliés allemands et danois qu'ils ne sauraient jamais ce qu'il s'est passé. Alors, je rappelle ici que nous avions abordé cette question en citant notamment Robert Ménard, qui avait insulté tous les gens qui avaient réagi à son tweet, qui prétendait que les véritables auteurs de cette attaque étaient les Russes. C'est-à-dire que les Russes auraient attaqué leur propre gazoduc. Vous voyez, c'est ce que disait Robert Ménard, ancien président de Reporters sans frontières, une vitrine de la CIA. Hein. Et alors, il est revenu à la charge après, puisque ça a déclenché des réactions hilares des gens sur Twitter en disant que bon, il racontait n'importe quoi, parce que bon, ça défiait toute logique, hein, tout simplement. Et alors, il les avait traités de créatures du Kremlin, aveuglés par la propagande poutiniste, etc., etc. Alors depuis, il continue. Enfin, je veux dire, Robert Ménard est devenu Cet homme est immonde, hein, je veux dire, vraiment immonde. Moi, quand je vois sa photo, j'ai envie de me laver les mains. C'est vraiment insupportable. Alors, enfin, tout y va. Je passe quand même les déclarations qui l'enchaînent à ce sujet. Mais bon, je tiens à rappeler quand même que tous ceux qui ont suspecté les Américains, les services américains, ou pas bah, un de leurs alliés, hein, d'avoir fait sauter ce gazoduc, avaient été traités de complotistes. Bon, ça nous rappelle des souvenirs par rapport au Covid et tout ce qui s'ensuit. Et donc, voilà, il n'y avait rien à voir. C'était évidemment les Russes. Alors, la Suède nous dit... Alors, la Suède qui est anti-russe, hein, je veux dire, ils viennent de rejoindre l'OTAN... Enfin, ils ont fait la demande pour rejoindre l'OTAN ces derniers mois. Demande accordée, je crois qu'il faut ratifier, etc. Bon, la Turquie fait un petit peu des... traîne un peu les pieds parce qu'elle fait monter les enchères, elle veut récupérer quelques Kurdes pour les faire exécuter. Bon, ça, c'est une autre question. Parce que la Suède est pro-kurde, je vous explique. Bon, ça, encore une autre affaire. Donc, pataquès turc, mais en dehors de ça, la Suède est anti-russe, pro-OTAN, veut rejoindre l'OTAN, donc forcément pro-américaine, hein, bien sûr. Alors, si elle refuse de communiquer les résultats de son enquête, c'est que la conclusion, politiquement, n'est pas très exploitable, parce que si ça avait été les Russes, ils auraient... Je me demande d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas falsifié un rapport en disant que c'est les Russes, ça aurait été plus simple, mais si ça avait été les Russes, ils auraient dit « Ah, regardez, c'est les Russes, c'est salaud !» Et ça, ça aurait été un formidable axe de communication pour charger encore un peu plus le dos très large de Vladimir Poutine. Eh bien non. Voilà. La Suède informe donc ses amis allemands, hein, et danois qu'ils n'auront jamais la réponse, ce qui, en soi, en fait, est une réponse, bien sûr. Alors, je me tourne vers nos participants. Alors, on ne va pas s'étendre, hein, sur la question... Enfin, encore que ça mériterait, mais enfin bon. On ne va pas s'étendre excessivement sur ce point précis. Enfin, on est d'accord que c'est quand même un formidable aveu. Qui veut réagir là-dessus, enfin... Les Suédois invoquent le secret défense et disent que, ben, en fait, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que quand ils font des enquêtes comme ça, ils ne livrent, elles restent toujours confidentielles parce que justement, ça peut révéler au niveau de la Suède des failles dans les systèmes de détection, etc. Alors, ce discours, naturellement, n'est pas forcément faux. C'est-à-dire que je pense en effet qu'un État qui fait une enquête quand il y a eu un attentat, que ce soit sur son sol ou dans les eaux territoriales, n'a pas trop envie de les dévoiler. Il ne faut pas toujours voir dans la rétention des archives d'occultation de quelque chose. Je vais vous prendre un exemple que je connais bien. C'est les archives de Radio-sur-Glane, elles sont mises sous scellé jusqu'en 2053. Et beaucoup de gens qui me suivent dans mes conclusions sur Oradour disent « Ben voilà, c'est un aveu ». Non, non, non, là c'est tout à fait légal. Quand il y a eu un procès avec des noms, les archives sont mises sous scellé pour 5 ans, pour 100 ans. Des fois 5 ans, mais souvent 100 ans. Donc il est évident que le procès d'Oradour ayant eu lieu en 1953, les archives ne seront ouvertes qu'en 2053. Seulement voilà. Après, donc il ne faut pas se précipiter parce que justement c'est là qu'on nous attendra et qu'on dira ben voilà, vous dites que c'est un aveu, mais en fait pas du tout, c'est normal, c'est conformément à la loi, c'est conformément à la politique du pays, en l'occurrence de la Suède. Oui, c'est vrai, mais il y a des moments où normalement, voilà, si une enquête donne un résultat qui est exploitable, comme tu as dit Gandalf. Eh bien, on le publie, ou au moins on le communique aux États, sachant qu'après il va y avoir des fuites. Le fait que la Suède ne veuille pas communiquer, c'est quand même étrange. Et là, j'en reviens à pareil avec Oradour. Ils ont communiqué les archives au concepteur du centre de la mémoire d'Oradour, mais une fois qu'il y a eu la polémique sur le livre, alors qu'ils auraient dû dire, ah ben, on va ouvrir toutes les archives, puisque Renoir nous raconte des sornettes à coups de bouquin, là, on va ouvrir toutes les archives. Il va être confondu. Le fait qu'ils aient maintenu les archives fermées, sauf pour mes adversaires, c'est un aveu. Et bien là, je dirais que lorsque la Suède dit « Non, non, on va même pas, et puis on va refuser que l'Allemagne et le Danemark on fasse équipe ensemble, parce que ça nous forcerait à donner les conclusions », il est évident, c'est extrêmement douteux. Dernière chose que j'ajouterais, c'est que de toute façon, je vais vous dire, à mon avis, ça ne changerait pas grand-chose, parce que, on va prendre le précédent de Katyn, hein, l'enquête diffusée en 43, une enquête internationale, une commission internationale, est complètement rejetée par le monde au motif que ses conclusions étaient pour les méchants, pas pour les bons. Et même après, à Nuremberg, ils se sont arrangés pour noyer le poisson, hein, puisqu'il a fallu attendre 1990 pour que enfin la Russie admette et que le monde accepte avec l'aveu de la russe. Et avant, ils n'avaient pas accepté. On dit toujours, oh bon, c'est pas trop bon. Eh ben, je veux dire que même aujourd'hui, si une commission internationale démontrait que c'était les Américains, que, enfin, que c'était des gens, des complices de l'OTAN qui avaient fait ça, ça changerait rien au problème. Tous les gens qui veulent croire que c'est les Russes diraient non, mais oui, ça ne changerait rien en plus. Non, mais ça, il n'en reste pas moins que le silence suédois est un aveu, à mes yeux. Ah bah c'est ce que disait César. Hein. De toute façon, d'expérience, on peut dire que les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Tout à fait. Ah ben oui. C'est ce que disait César, hein, Jules César. Donc tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aurait les fêtes en disant mais en fait c'est les Américains. Tout le monde s'assirait dessus. Ah complètement. Tout le monde s'assirait dessus. C'est-à-dire que, imaginons la Suède, bon, je sais pas, par excès d'honnêteté, imaginons. Bon, ça n'a pas été le cas la preuve, hein, mais oui, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont lancé l'attaque, nous en avons la démonstration. Nous convoquons l'ambassadeur des États-Unis pour des explications, etc. Ça fera trois lignes dans la presse. C'est-à-dire que ça fera jaser, et puis ensuite, pourquoi ? Parce que l'OTAN, qui n'est que le bras armé d'ailleurs de l'oligarchie occidentale, de l'hyperclasse occidentale, a décidé de détruire la Russie. Donc, ça ne fera pas la une, ça n'ignorera pas. Parce que ce n'est pas utile, ça ne sert pas les intérêts. Et donc, tous les gens qui sont de toute façon, parce que moi je vois cette haine de la Russie qui a été créée ex nihilo. Ex nihilo. Tous ces chiens fous, ils ont besoin d'un os à ronger. Et si ce n'est pas le bon, bah ils ne le toucheront pas. Donc si c'est un os qui démontre par A plus B que les Américains en fait font un travail de sape pour j'allais dire, maintenir l'Europe dans sa suggestion coloniale, bah, les gens fermeront les yeux. Voilà. Donc tu as tout à fait raison de relativiser. Je veux dire l'importance qu'aurait pu être, j'allais dire, des aveux ou des preuves accréditant l'origine américaine de l'action, même si on sait. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai aucun doute. Mais tu as tout à fait raison de dire que voilà, ça n'aurait pas d'implication, sauf en Allemagne, où la pression monte énormément. Parce que c'est vrai qu'en France, comme la France est un peu moins dépendante du gaz russe, enfin, nettement moins dépendant du gaz russe, la pression sociale est moins forte. En Allemagne, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on parle vraiment de la survie de l'industrie allemande, de la classe ouvrière allemande, des PMI-PME, de l'équilibre social du pays. Et comme vous le savez, c'est un système parlementaire, donc des partis comme l'AFD peuvent vraiment réaliser des gros scores. D'ailleurs, on voit bien qu'ils progressent très nettement. L'AFD progresse très nettement sur la question de l'énergie, hein, puisque l'AFD est clairement un parti pro-russe. Hein. L'AFD est clairement un parti pro-russe, tout spécialement dans l'Est de l'Allemagne. Donc, comme quoi, c'est marrant, parce que c'est assez drôle, parce que du temps de l'ère soviétique, la RDA, évidemment, était sous occupation soviétique, mais on voit se former par la droite une espèce de consensus en Allemagne de l'Est contre cette espèce de démocratie cosmopolite occidentale. Donc c'est tout à fait étonnant de voir les permanences historiques perdurer au-delà des clivages d'antan, vous voyez. Et donc l'Allemagne n'est certainement pas à l'abri de conséquences de telles révélations, ça c'est sûr. Donc en fait, je pense que les autorités allemandes étaient très contentes qu'on ne leur donne pas les conclusions. Vous voyez, c'est-à-dire que si les Suédois leur avaient dit, je pense même que les Suédois ont en partie refusé de donner les conclusions à la demande des Allemands, des autorités allemandes. Le gouvernement à Berlin, ils ont dit, s'il vous plaît, ne nous donnez pas les conclusions. Parce que si vous dites que c'est les Américains, nous ici, on est cramés. On va devoir faire face à la population allemande, leur expliquer pourquoi nos alliés, entre guillemets, sont en train de nous poignarder dans le dos. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, s'il vous plaît, épargnez-nous ça, quoi. Donc, c'est un consensus de ce gouvernement fantoche pro-américain en Allemagne, du gouvernement fantoche suédois, enfin, bref, de toute la clique, quoi. Hein, c'est l'Amérique qui décide. Enfin, l'Amérique. Hein, bon. Vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est les Juifs de New York, quoi. Donc voilà. Donc point barre. Donc voilà. Mais je voulais quand même le dire parce que comme c'était extraordinaire. Alors, c'était tellement gros que même la presse française n'a pas osé dire non, mais c'est les Russes. Ils n'ont pas osé. Enfin, il y a certainement eu quelques articles qui ont tenté le truc, mais grosso modo, c'est-à-dire, on n'est vraiment pas sûr de qui a pu faire ça. Hein. En gros, c'était ça, quoi. BFM et tout. Alors, mais qui ça peut bien être, hein, on se pose la question, quoi. Alors, c'est exactement. La réponse du président du tribunal de Nuremberg quand à la fin de l'affaire de Katyn, un avocat lui a dit « Alors, monsieur le président, l'Allemagne est-elle coupable ou pas coupable de Katyn ?» Et le président répond « Il ne m'appartient pas de répondre à cette question. » C'est-à-dire, soudainement, on n'était pas sûr. Ouais. Ça voulait dire vraiment que c'était les Russes à 1000%, mais dans ce cas-là, on dit « Non, on n'est pas sûr. Hein, il faut attendre encore. » Attendre encore, on ne sait pas. Eh ouais, c'est ça. Voilà, donc je tenais quand même à insister ça parce que insister sur ce point parce que on prend vraiment l'opinion publique pour ils ont raison, hein, je veux dire, ils ont vacciné 54 millions de gens qui ont cru à leurs mensonges. Donc pourquoi ne pas continuer? Donc ils vont continuer à mentir comme des arracheurs de dents. Les gens vont continuer à avaler ça et il continuera à y avoir une minorité éclairée qui va continuer à être critique, à ne pas avaler tout ce qu'on leur présentera. Voilà. Malheureusement, hein, sauf bouleversement, mais en tout cas, dans le moment, c'est ce qu'on va constater et continuer de constater. Alors, point numéro 2, chers amis, alors ça, c'est extraordinaire, c'est Josep Borrell. Alors, c'est un Espagnol, alors il est à la tête de la diplomatie de l'Union Européenne. Alors, je savais même pas qu'il y en avait une, mais... Je savais qu'il y en avait démocratiquement, comme tous ces gens-là. Ah oui, tout à fait, oui, comme Ursula von der Leyen aussi, présidente de la Commission de l'Union Européenne, donc là, qui, oui, démocratiquement, plébiscité aussi, oui. Alors, il va très loin, cet homme, cet Espagnol. Alors, les Français ne connaissent pas cet homme, hein, je vous assure, hein, vous demandez dans la rue qui est Josep Borrell, les gens sont là, je sais pas, il fait du patinage artistique ou... Ma génération dira, c'est pas Jacques Borrell qui avait les restaurants sur les autoroutes? Je sais pas, ceux qui ont mon âge, ils s'en souviennent. Ah, ouais, c'est Jacques Borrell, le mec. Ils vont dire, ah, ça a peut-être un rapport avec lui. Ah bah, je sais pas, peut-être pour les plus anciens, mais alors vraiment, les gens savent pas. Et alors, l'autre, donc, il représente je sais même pas comment ça s'appelle, quoi, le service des affaires étrangères, je sais même pas comment ça s'appelle. Bon, la diplomatie de l'Union Européenne, quoi. Bon. Alors, il fait cette déclaration en tribune, filmée, hein, c'est pas comme ça dans une interview en passant. Hein, il dit, donc, si la Russie devait utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine contre les forces ukrainiennes, l'armée russe sera anéantie. Voilà ce qu'il a déclaré. Sans frappe nucléaire aussi, il a ajouté. Hein. Oui, alors voilà. Alors, donc, je vous donne la parole. Donc, quand on voit le... Enfin, bon, il y a l'aspect physique du personnage, hein, je vais passer là-dessus. Mais bon, il fait cette déclaration absolument hallucinante. Il dit, on va détruire l'armée russe. Effectivement, tu as raison de le préciser, sans utiliser l'arme nucléaire, on va détruire l'armée russe si l'armée russe utilise l'arme nucléaire en Ukraine. Alors, bon, essayer d'abord de trouver un sens, une cohérence, je ne sais même pas, mais... C'est ahurissant, hein, c'est ahurissant. Qui veut réagir là-dessus? Avant que moi, je vous mette à hurler. Poutine, récemment, il a fait une déclaration, il n'y a pas très longtemps, dans laquelle il a décrit en fait sa stratégie de défense, qui n'est en fait qu'une riposte. Si leur système de détection de missiles détecte un missile qui vient vers la Russie, ça va, de manière automatique, déclencher une riposte. Donc, en fait... Donc Borrell, il est un peu hors sujet parce qu'ils vont pas attaquer gratuitement comme ça l'Ukraine. Et ensuite, il y a eu également une autre déclaration dans laquelle il termine, Poutine, et il dit « Mais vous vous demandez si, si la Russie va riposter, si un pays de l'Occident, comme par exemple la France, nous attaque ?» Mais bien sûr que c'est ce qui va se passer. Sous-entendu, ils vont riposter. Mais ce sera pour protéger la Russie, quoi, pour pas qu'elle soit démantelée comme le voudrait l'OTAN. Donc voilà. Vincent, face suite à cette déclaration du représentant. Alors, moi d'abord, je trouve que cette déclaration est folle pour deux raisons. Mais déjà, comment croire que les Russes, encore une fois, quoi qu'on en pense, vont laisser annihiler leur armée sans utiliser un moment l'arme nucléaire? Ça me paraît assez, je veux dire, ça me paraît fou, ça. Parce que justement, la dissuasion, c'est de dire vous nous attaquez pas, et si jamais vous nous attaquez puis que vous prenez le dessus, de toute façon, on aura le dernier recours. Donc déjà, ça me paraît bizarre. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que on nous dit « Ah, mais il faut partir en guerre contre la Russie, il faut partir... » Alors, si vous avez le pouvoir d'écraser l'armée russe sans même que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire, alors pourquoi vous le faites pas? Donc déjà, moi, ça me paraît... si vraiment vous aviez cette puissance de frappe que vous prétendiez, je vois pas ce qui vous... Ça fait longtemps que vous auriez fait une provocation pour faire cette guerre. Donc, cette parole, moi, me paraît être une parole de matamore, comme on dit. Mais toujours et toujours dans le même sens, qui consiste à échauffer les esprits. Échauffer les esprits en disant, voilà, vous voyez, en face de nous, il y a un gros diable. Il menace, il peut utiliser l'arme nucléaire contre cette pauvre Ukraine. Et nous, on est là, mais rassurez-vous, on va pouvoir l'écraser. Donc, encore une fois, on met les gens dans une situation de surexcitation avec un mélange d'armes nucléaires en face. Vous êtes menacés, l'Ukraine est menacée par l'arme nucléaire, mais nous on est là, mais on l'utilisera pas, mais on va écraser leur armée. Des discours complètement fous pour moi. Je veux dire, c'est absolument pas des discours de gens qui veulent éviter la guerre. Alors on va dire, si, justement, en le menaçant, on va éviter la guerre. Alors ça, c'est complètement faux, ça. Les précédents historiques montrant que des formules choc n'évitent aucune guerre, on en a à l'appel. Et ben, le meilleur exemple, encore une fois, que je connais bien, moi, c'est celui de la déclaration de guerre en 1939. Hein. L'Angleterre a bombé le torse en disant « on est derrière la Pologne », on l'aidera quoi qu'il arrive, etc. Hitler va reculer, c'est le dernier quart d'heure, il va se dégonfler, la Gaulle-Rouge va se dégonfler. Oui, ben, on a vu, rien du tout. Donc, ce genre de parole, quand je compare à ce qui s'est passé dans le passé, je trouve que c'est des paroles irresponsables. Voilà, et en effet, comme tu disais très bien, voilà un gars qui sort, personne ne sait d'où il sort, personne ne savait qu'il y avait une diplomatie de l'Union européenne, et on apprend soudainement qu'un mec qui est soi-disant notre représentant, le représentant de l'Europe, est en train de menacer un pays d'écraser son armée. C'est un mec qui nous représente. On le connaissait même pas hier. On savait même pas que ça existait. Ça montre à quel point l'Europe est une farce tragique, hein, qui menace d'être tragique. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, moi là-dessus, j'ai quand même plusieurs choses à dire, parce que ça montre quand même la gravité de la situation. L'inconséquence qui prévaut maintenant dans les cercles de décision européens. Parce que il faut déjà regarder Borrell comme individu. On voit bien qu'on a affaire à un homme qui est au bord du gâtisme, d'accord ? Il doit lire ses fiches de manière confuse, il cherche ses mots, il n'a aucune contenance physique. C'est un homme âgé. Bon, vous sentez que c'est une espèce de vieux politicien qu'on recycle au niveau européen et dont on s'est assuré qu'il ne peut poser à aucun moment un problème à personne parce qu'il n'a aucune espèce de vision, de colonne vertébrale, de renommée, d'assise, rien. Donc c'est un mollusque. Et il a été mis là pour ça. Et ce mollusque prétend parler au nom des Européens. Alors, ça pose la question de savoir, mais qui s'exprime ? Est-ce qu'il traduit la pensée des Européens ? Alors, probablement des Polonais, qui ont perdu peut-être les derniers restes de lucidité, et qui sont fidèles à leur nature. Provoquer des guerres, ça leur colle assez bien à la peau. Pour les perdre, hein, je précise, et finir hachés. Mais visiblement, ils n'ont pas compris la dernière fois, bon, ils vont recomprendre cette fois-ci peut-être. Alors, le problème qu'on a, c'est donc qu'on a un inconnu, il est totalement inconnu des peuples d'Europe, qui engage les forces armées du continent avec une puissance nucléaire en menaçant expressément, hein, une autre puissance nucléaire. Donc il menace une puissance nucléaire. Et là, si vous voulez, quand vous voyez des pantins pareils se livrer à ce type de propos, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y aurait dû avoir une réaction très vive, très très vive, à Berlin, à Paris, dans d'autres capitales européennes, en disant « Attendez, là, le vieux, là, il dégage. On veut sa démission, tout de suite. Ça s'arrête. On arrête tout de suite. L'Union européenne n'a pas d'armée. Elle n'a pas le pouvoir de décréter s'il va y avoir une offensive militaire ou pas dans quelque pays que ce soit. Elle n'a pas d'armée. Elle n'a aucune légitimité pour décréter l'entrée en guerre. Parce que c'est ce qu'il nous dit. On va, si jamais Vladimir Poutine frappe nucléairement l'Ukraine, les pays d'Europe, membres de l'Union européenne, vont entrer en guerre contre la Russie en utilisant leurs forces conventionnelles. Mais Borrell a quel mandat pour impliquer les forces armées des États d'Europe ? Aucun. Au nom de qui s'exprime-t-il ? Qui parle ? Qui a été consulté ? C'est très grave. C'est très très grave. Non mais c'est très grave. Donc, et il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire que Pépé fait ses sorties et les chancelleries sont muettes. Il ne se passe rien. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont d'accord ? Ça veut dire qu'il y a un accord secret dont on n'est pas informé ? D'entrer dans une confrontation directe avec une puissance nucléaire ? Bah, j'aimerais quand même un minimum en être informé. Je pense que les Européens aimeraient aussi en être informés, pas le découvrir au petit matin quand les têtes nucléaires vont commencer à voler. N'est-ce pas ? Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que vous avez visiblement des gens qui s'engagent, notamment vis-à-vis du gouvernement ukrainien, donc du juif Zelensky, à les protéger sous toutes conditions, En ce qui concerne la France, le peuple français n'est pas du tout informé. Et c'est très intéressant, et on y reviendra, de voir les réactions de Macron. Je pense que Macron a connaissance, par la force des choses, de l'état des discussions dans la coulisse, et que, à mon avis, parce qu'il est quand même la seule puissance, la France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. La Grande-Bretagne n'appartient plus à l'Union européenne. Je pense qu'il s'est dit, oula, il y a des gens qui sont en train de parler en son nom, parce que de fait, hein, quand l'Union européenne dit on va attaquer une puissance nucléaire, bon, avec une escalade inévitable, ça implique forcément l'arsenal nucléaire de la France. On va parler de la position de Macron, elle n'a pas plu, mais à mon avis, Macron commence à faire un peu la moue. Parce qu'il veut bien collaborer, mais bon, la guerre thermonucléaire n'a pas l'air de l'enthousiasmer totalement. Mais je veux dire, Borrell n'a pas été recadré. Personne n'a dit c'est qui ce fou, d'où sort-il, comment ça se fait. Bon. Ça montre la déliquescence totale des gouvernements européens, notamment de l'Allemagne et de la France. Il y a une véritable déliquescence. C'est-à-dire que Bruxelles est totalement hors de contrôle. Il n'y a personne pour appuyer sur le frein. C'est pareil quand la vieille folle de von der Leyen, qui a cette espèce de cruche intégrale, avec sa permanente, se permet de faire des déclarations folles sur tous les sujets comme si elle avait carte blanche. Mais attendez, qui l'a mis là ? Elle engage qui exactement ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous comprenez ? Et plus ça va, plus les mois passent, plus elle et toute la clique à Bruxelles font des sorties hallucinantes, je veux dire, d'irresponsabilité avec des implications. Là, on perd carrément d'affrontements nucléaires, je veux dire. Et il n'y a personne qui dit attendez, on va arrêter les choses là, un peu là, et on va faire une réunion. On va discuter tous entre nous là et on va recadrer un peu les débats parce que là, il y a des gens visiblement qui ont confondu certaines de leurs fonctions avec. C'était peut-être pas bien clair. Il faut refaire. Non, pas du tout. Macron met juste un pas de côté, c'est tout. À Berlin, on n'entend personne. Les Allemands, ils sont absents. Hein. Je veux dire, à part à domicile gueuler contre le fait qu'ils n'ont pas de gaz, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de gouvernement allemand. Non, j'allais juste ajouter que, bon, en fait, on découvre que ben, finalement, l'Union européenne, qu'on pensait que c'était une construction entre pays, ben, c'est, directement, ils se prennent pour un État. Donc là, il n'y a pas eu de vote, il n'y a rien. Et puis, ben, on découvre avec cet énergumène là qui prend la parole qu'on, en fait, ils se prennent pour un État et ils font comme s'ils étaient un État. Et aussi, je rajoute, Poutine, dans ses déclarations, lui, il ne plie pas. C'est-à-dire, il a déclaré, vous savez, il y aura une riposte et ce sera la fin du monde parce que. Lui, un monde sans Russie, bah, ça ne l'intéresse pas. Donc là, ça rigole quand même pas du tout. Bon. Peut-être ça va pas être dans l'immédiat, mais tôt ou tard, ça risque de finir très très mal. Le fait qu'on ait un personnel politique du niveau qu'on a aujourd'hui, donc de la médiocrité actuelle, composé d'homosexuels, de secrétaires qui auraient jamais dû pouvoir mettre un pied en politique et qui se font élire. Ça va nous mener à la catastrophe. C'est-à-dire que quand vous mettez des gens qui croient que la politique c'est Twitter en responsabilité, ça ne peut que finir mal. Face à nous, on a des gens comme Vladimir Poutine, etc. Ce sont des gens sérieux, je veux dire. D'accord ? Ils sont sérieux les messages qu'ils nous envoient sont très sérieux. Les gens qui sont en responsabilité aujourd'hui en France ou au niveau de l'Union européenne ne sont pas des gens sérieux. D'accord. Pour eux, c'est une série Netflix, là. C'est une série Netflix. Voilà. Quelque part, c'est un peu notre espoir que ceux qui sont à notre tête ne soient pas sérieux, parce que on peut espérer qu'ils perdent, finalement, face à la Russie. Et que... C'est même pas ça. C'est qu'en fait, non, ils vont déclencher une catastrophe, exactement comme quand une femme fait une connerie et qu'elle te regarde avec des yeux de poulet, quoi. Tu sais, je veux dire, elle fait la connerie, c'est évident, elle te regarde et elle dit, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Bah, il se passe que c'est logique. C'est ce qui va nous... Voilà, on a mis les femmes au pouvoir en Europe, qu'est-ce qui va se passer ? La catastrophe. Ça s'est jamais fait en Europe, hein, de mettre les femmes au pouvoir. Hein. Jamais. Hein. Encore une autre expérience dont on ne connaît pas la fin. Moi, je la connais, mais bon, voilà. Donc, l'autre, il dit, on va vaporiser les forces armées. Donc ça c'est les menaces que divulguent partout en ce moment le Pentagone. Hein. Ils ont envoyé ça aux Russes, ils ont dit « on va foutre en l'air votre flotte dans la mer Noire, on va détruire vos forces conventionnelles et tout, on va les bombarder, etc. » Oui, sous-entendu, les Russes vont pas riposter nucléairement. Donc le Borrell, là, le PP, là, qui est en train de répéter toutes les conneries des Américains, là, oui, ça c'est gentil. Mais c'est à supposer que les Russes ripostent pas nucléairement. Et qu'est-ce qui se passe s'ils ripostent nucléairement ? C'est... Ok, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, on en vient à la réaction de Macron, qui est intéressante, parce qu'il voit la dynamique, hein. Macron voit quand même la dynamique, et il voit des gens parler de nucléaire, donc ça l'intéresse au premier chef, puisqu'il est le seul pays d'Europe continentale, donc avec la Russie, à avoir un arsenal nucléaire. Donc, le Borrell, il est gentil, c'est un Espagnol. Bon, qu'est-ce qu'ils ont en Espagnol ? Qu'est-ce qu'ils ont en Espagne, je veux dire ? Ils ont quoi ? Des pépitos qui viennent d'Amérique latine et des résidences secondaires. Mais à part ça, ils ont quoi ? Ils ont rien, on est d'accord. Donc, quand Pépé Borrell il est en train de raconter ses conneries, il parle juché sur l'arsenal nucléaire français, grosso modo, et britannique. Bon, américain aussi, mais surtout français et britannique. Et français, si on parle de l'Union européenne. Alors, à mon avis, Macron, bon, il n'a pas étalé ses désaccords publiquement. Enfin, il a quand même manifesté des réticences. Alors, Le Monde, alors ça c'est fascinant parce que c'est les réactions au discours de Macron qui ont été absolument incroyables. Toute la presse s'est dressée contre lui. Toute la presse juive s'est dressée contre lui. Extraordinaire. Alors, je vous donne un extrait du journal Le Monde, un journal juif, hein. possédés par des banquiers juifs. Dans un domaine comme la dissuasion où chaque mot compte, ceux prononcés par Emmanuel Macron mercredi 12 octobre sur France 2, où le chef de l'État a notamment été interrogé sur la riposte éventuelle de la France en cas de frappe nucléaire tactique russe sur le théâtre ukrainien, suscitent, c'est ce que dit Le Monde, depuis deux jours un certain nombre d'interrogations, en particulier au sein des milieux spécialisés. La France a une doctrine nucléaire et notre doctrine repose sur les intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis de manière très claire, à commencer par rappeler le chef de l'État. La notion d'intérêts fondamentaux relevant plutôt de la sécurité intérieure, il commet ici, dans cette première partie de réponse, une imprécision surprenante, dit Le Monde. La doctrine française parlant plutôt d'intérêts vitaux. Ceux-ci ne sont, par ailleurs, pas précisément définis par nécessité justement d'entretenir l'ambiguïté, donc la force de dissuasion. Mais c'est surtout la deuxième partie de la réponse de M. Macron qui sème le doute depuis mercredi à propos de ses intérêts vitaux. Le chef de l'État a poursuivi « Ce n'est pas du tout cela qui serait en cause s'il y avait par exemple une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Cela n'appellerait pas une réponse nucléaire. » La relance alors la journaliste Caroline Roux, interloquée. Alors, ça c'est marrant, regardez comment Le Monde écrit. C'est-à-dire que c'est la journaliste qui est interloquée que Macron refuse d'entrer dans une guerre nucléaire. Enfin, vous réalisez ce qui se passe ? La narration, comment elle est posée par le journal Le Monde ? Ils enchaînent avec la réaction de Macron. « D'évidence, ce n'est pas notre doctrine aujourd'hui. Nous avons un cadre pour ce qui nous concerne », répond Emmanuel Macron, indiquant que ce serait seulement une responsabilité historique de la Russie, donc de frapper nucléairement l'Ukraine. Donc Macron se contente de dire que s'il y a une frappe nucléaire tactique sur l'Ukraine, la France n'est pas menacée directement, elle ne s'engagera pas dans une confrontation nucléaire avec la Russie. Macron a été virulemment attaqué par toute la presse belliciste, évidemment financée par la CIA. Elle est totalement contrôlée par la CIA. Donc, la CIA veut maintenir la zone de flou sur l'Ukraine, en disant « Le pari plus nucléaire français, il s'étend à l'Ukraine ». La presse fout pression sur Macron. Et Macron, qui a son arsenal sous la main, il dit « Attendez, là, moi, je vais quand même pas vous laisser carte blanche avec mon arsenal, créer les conditions en Ukraine pour une frappe de réponse aux Russes sur l'Ukraine. Ça, vous oubliez tout de suite. » Donc, ce qui est très intéressant, les gens se sont dit « Mais pourquoi Macron a fait ça ?» Macron a fait ça, je veux dire, pourquoi ? Macron, il voit bien ceux qui sont en train de pousser. Et de son point de vue, alors autant il est dans la ligne de Washington et de tous ces gens-là, mais visiblement, il n'est pas chaud pour une confrontation nucléaire directe avec les Russes. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit « Sans moi, les gars. Sans moi. » Les autres disent « Mais non, on ne peut pas dire ça comme ça, parce que sinon ça va encourager les... » Non. Il a dit « Non, les gars, oubliez. » Et je pense que... parce que ce serait remettre les clés à Zelensky. Et Zelensky est un provocateur. Si vous suivez les déclarations de Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a dit récemment ? Il a fait état de deux choses tout à fait intéressantes. Une, lors d'un sommet avec les Chinois, lors de sa conférence de presse, une autre avec Erdogan. Je vais commencer avec celle avec Erdogan. Donc Erdogan s'est engagé, parce que Erdogan a besoin d'argent, parce que l'économie turque n'est pas au plus fort. Donc Erdogan est content de vendre du gaz russe, parce qu'il a un gazoduc qui passe par chez lui, et de toucher un discount. Forcément. Alors Erdogan est très enthousiaste à l'idée d'accroître le flux de gaz russe qui transite par son territoire. À cette occasion, Poutine a dit à Erdogan, comme vous savez, il y a eu une tentative d'attaque sur notre gazoduc commun. C'est-à-dire que les bandes de la CIA essayent de couper le gazoduc qui passe par la Turquie. Et c'était sur le territoire de la Fédération de Russie. Et ils ont déjoué l'attaque. Les Russes ont déjoué l'attaque. L'autre point qui a été, lors de la conférence de presse avec sa rencontre avec les Chinois, et les Indiens et d'autres, il a dit, deux tentatives d'attaque contre les installations nucléaires civiles russes ont été déjouées. Il y a des bandes de saboteurs à la botte de la juiverie américaine qui est sur le territoire de la Fédération de Russie en train d'attaquer les infrastructures dures de la Russie, nucléaires et gazières. Donc, le conflit se déplace déjà en Russie même. Hein. D'accord ? Bon, on avait déjà un aperçu avec Nord Stream. Donc, il en a fait état. Il en a fait état. Donc, si vous voulez, les provocateurs de Zelensky, les bandes de Zelensky sont lâchées. Elles sont lâchées. Donc, je pense que ce qui refroidit beaucoup Macron, c'est qu'il y a un vrai risque d'une provocation du juif Zelensky qui ne passerait pas en réalité vraiment par les canaux traditionnels de la diplomatie. C'est-à-dire de mettre devant un fait accompli les États occidentaux, enfin d'Europe, je veux dire, d'Europe continentale, de les mettre devant le fait accompli et de leur demander de choisir. Je pense que Macron voit que là, il y a beaucoup trop de volatilité. Ça l'inquiète de perdre le contrôle. Donc, s'il ne dit pas tout de suite « je vais jusqu'à là, mais je ne vais pas au-delà », il peut se retrouver embarqué très vite dans quelque chose qu'il ne maîtrisera absolument plus. Absolument plus. Et de fait, indépendamment du fait qu'il soit... Et je pense que pour le moment, il traîne des pieds, d'accord ? Ça ne sera pas éternel, je pense. Je pense que ça ne sera pas éternel, parce qu'il va recevoir beaucoup de pression. Indépendamment du personnage, il va recevoir beaucoup de pression. Et ils vont essayer de l'attirer là-dedans. Mais lui, évidemment, mettez-vous à sa place. Et là, bon, ils sont bien gentils, les autres, là, mais ils veulent quoi ? Que je leur dise qu'on peut rentrer dans une guerre nucléaire avec la Russie ? Mais ils sont fous, quoi. Ça, c'est la réaction de Macron en privé, évidemment, mais de n'importe quel chef de l'État. Mais tous les mecs, ils disent « Mais non, il faut maintenir le flou. » Mais il faut surtout pas maintenir le flou dans ces conditions-là. Jamais, absolument pas. Vous vous rendez compte ? Maintenir le flou sur la riposte nucléaire française en cas de je ne sais quoi en Ukraine. Mais surtout pas. On n'est tenu par rien en Ukraine. Absolument par rien. On doit rien à ces gens. Qui sont à la botte de la CIA, du Pentagone, qui peuvent se livrer à des provocations dont on n'a même pas idée. Je veux dire, bactériologiques ou autres, on ne sait pas du tout ce qu'ils préparent. Ils sont pas fiables pour un sou, ces gens. C'est des mafieux. On peut pas. Donc même Macron, qui est aligné sur tout, il veut pas suivre. Il veut pas suivre. Il dit je veux pas vous donner un chèque en blanc là-dessus. C'est pas possible. C'est pour ça qu'effectivement, ça c'est mon interprétation, il a été obligé de sortir du bois. Et quand on recoupe ça, et j'en finis, pardonnez-moi d'être un peu long, avec les déclarations de Borrell. Bah, c'est simplement un peu de retour sur terre. C'est-à-dire que quand vous voyez ce que raconte Borrell, oui, vous avez envie de vous presser, de dire non, nous on a non, on va livrer 2-3 canons, voilà, hein, oui, des roquettes, oui, voilà, mais pour le sérieux, vous oubliez, hein, on n'est pas de la partie, quoi. Voilà. En tout cas, à ce stade, c'est la position de Macron. On va voir ce qui va se passer ensuite. Mais qu'on ait voulu forcer de la main de Macron à être flou, ambigu, disent-ils, sur la possibilité d'une riposte nucléaire française pour défendre l'Ukraine contre la Russie, ça vous montre l'insanité de cette presse juive, ça vous montre l'insanité de vieux dégénérés qui prétendent avoir une autorité dans les cercles de décision, le vieux Hesbourg, le boomer, il est fou. Il veut qu'on rentre en guerre nucléaire avec les Russes. C'est pareil avec Tertrais et toute la bande. Tous ces mecs-là, ils sont dans la coulisse, on les voit pas trop, mais ils sont en train de... Ils sont fous. Ces gens sont tarés. Ils sont tarés. Et vous voyez ? Alors bon, Macron a mis un petit coup de frein. Léger. Mais le problème, c'est que la société civile n'est pas organisée. Ça c'est le problème. Autant jadis la société civile était organisée pour dire non quand il y avait des guerres auxquelles on voulait pas participer, autant là il y en a aucune. Donc il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Et puis en plus, comme on vend les guerres maintenant avec l'humanitarisme, le truc de bonne femme là, on peut tout faire avaler. Donc ils sont constamment soumis à la pression de BFM TV, de CNews avec des cruches. Là, je voyais Bastier, Poutine veut déclencher une guerre nucléaire. Mais vous voyez pas que c'est l'OTAN qui est en train de se déclencher une guerre nucléaire régionale? Donc on se tape la connerie de la droite, la connerie de la gauche. Poutine, l'assassin, mais Poutine de quoi? Je veux dire, il menace la France, Poutine? Qu'est-ce que c'est que ce truc, je veux dire? Vous voyez? Et voilà, voilà la situation. Il n'y a pas de frein. Voilà, on est lancé à 200 km/h et il n'y a pas de frein. Qui veut réagir sur les déclarations de Macron? Ben moi justement, il est vrai que Macron a mis un coup de frein. Il est évident qu'il a réagi à cette course à la mort. Mais hélas, on a un précédent historique. On a un précédent historique avec Édouard Daladier. Édouard Daladier, hein, 1939, c'était la même chose. Donc, je vous rappelle, à l'époque, c'était le chef du gouvernement français. En août 39, il ne voulait pas la guerre. Absolument pas, Édouard Daladier. Parce qu'il savait que l'armée française n'était absolument pas prête. C'est-à-dire qu'on allait à la catastrophe. Alors naturellement, aujourd'hui, nous, on a une vue rétrospective, on dit « Ouais, mais finalement, enfin, je parle des gens, pas moi, mais ils ont dit « Oui, mais regardez, ça s'est finalement bien terminé. » Oui, mais remettez-vous à l'époque. À l'époque, en août 39, pour Édouard Daladier et la plupart des militaires, on va à la mort. L'armée française n'est pas prête. Il y avait un général qui lui avait dit « Avec notre aviation, on sera comme un boxeur aveugle dès le deuxième round. » Donc il avait prévu que notre aviation serait zéro, néant, donc que l'aviation allemande nous écraserait, hein, comme un boxeur aveugle dès le deuxième round. Donc on l'avait dit à Daladier, on n'est pas prêt, il y a eu le Front populaire, on n'a rien fait, on ne peut pas s'opposer. Daladier va tout essayer pour éviter la guerre. Il va tout essayer, et malgré ça il va craquer. Hein, je l'ai bien expliqué d'ailleurs dans les vidéos de la série comment ça s'est passé entre le 30 août et le 5 septembre 1939. On a vu un Daladier qui était absolument contre la guerre, mais qui dit à l'Angleterre, mais attendez, mais vous voulez quoi finalement? Vous voulez la guerre ou pas? Et l'Angleterre qui dit, ouais, on veut la guerre, mais on veut pas que ça paraisse venir de nous. Et Daladier qui, au départ, dit, mais c'est pas possible, on peut pas, on n'est pas prêt, c'est pas possible. Va déclarer la guerre, enfin va se déclarer en état de guerre. Et à l'époque, la société civile, elle était plus réactive qu'aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu de réaction. Pourquoi? Parce que le Front pour la paix, qui était beaucoup plus fort en nombre que le Front pour la guerre, les hommes ne voulaient pas la guerre. Hein, vous l'avez connu en 14. Il ne la voulait pas. Hélas, ce front de la paix était dispersé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens de l'extrême droite à l'extrême gauche qui étaient contre la guerre pour des raisons totalement différentes et qui ne s'en sont pas entendus. Ça a été très bien analysé par Georges Champeau. Il a bien vu que le front pour la paix était plus fort, mais il n'a pas été uni. Alors que le front pour la guerre, eux, ils n'avaient pas de problème. Hein, ils étaient tous unis. Et c'est pour ça qu'encore une fois, l'histoire est très intéressante, parce que voilà, le coup de frein de Macron qui est maintenant, tu as tout à fait raison, attendons ce qui va se passer après. Attendons, parce qu'on ne sait pas les pressions auxquelles il va être soumis, tout comme Daladier a été soumis aux pressions. Et on ne sait surtout pas, hélas, que même s'il y a un front de la paix qui se levait dans ces moments-là, il ne faudrait surtout pas faire comme ils ont fait en 39, c'est-à-dire se battre, parce qu'on venait soit de l'extrême droite, soit de l'extrême gauche. Moi, je suis désolé. S'il y a des gens qui sont pour la paix, qui sont contre donc la fuite vers le nucléaire, je ne leur demanderai pas du tout quelles sont leurs idées. Je leur demanderai pas s'ils sont là parce qu'ils sont des communistes révolutionnaires, des fachos, je ne sais pas. Je dirais, ok, on est ensemble pour la paix, on se serre les coudes pour la paix. Après, on aura tout le temps, bon. Mais il faut pas refaire la même erreur. Et donc, on est en effet dans une dynamique. Et ça, c'est ce qui m'a affolé dans les propos de Macron, c'est que je me suis retrouvé en 39 en disant voilà un président qui voit qu'on va à la mort, qui voit qu'on est en train de donc que la faux de la mort arrive, qui tente de reculer, ça veut dire vraiment qu'en effet, tu as raison, la situation s'aggrave. Sinon, il n'aurait pas fait cette sortie. Il n'aurait pas osé se désolidariser, mais il n'aurait pas osé faire un pas en arrière. Donc, qu'est-ce qui doit se passer dans les coulisses? C'est super inquiétant. Et en effet, les propos de Borrell nous montrent que ce qui se passe dans les coulisses, c'est une course à la guerre, une course absolument folle. Voilà, une course absolument folle de gens qui, de toute façon, parce que qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'en 39, c'était Montigny, il a dit à un belliciste, mais on n'est pas prêt pour la guerre. Qu'est-ce que répond ce belliciste? Mais c'est normal, la France, elle n'est jamais prête sur le moment, puis après, elle va s'organiser. Alors, aujourd'hui, c'est plus la même chose, parce que c'est une histoire d'arsenal nucléaire, il est prêt. Mais ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là sont complètement dingues. En 39, ils savaient, mais oui, on n'est pas prêt, bien sûr, mais on va se préparer. Il faut déclarer la guerre pour qu'on se prépare. Ah ben, on a vu. Et encore une fois, bon, ça s'est pas trop mal terminé, parce que bon, Hitler n'a pas voulu écraser la France, etc. Mais ça aurait pu être un carnage. Donc, on est au bord, à l'heure actuelle, on est vraiment au bord d'une catastrophe. Et ben voilà, et ce que j'espère, c'est que la société civile va se réveiller, mais hélas, j'y crois guère, parce que, ben voilà, les gens, il y a, tout à l'heure, on disait, ouais, mais au bout d'un moment, on a l'impression que les gens, ils ferment les yeux, ben oui, c'est un peu un réflexe naturel, c'est que quand la situation devient extrêmement grave, c'est comme un peu sur un bateau qui coule, et puis les gens qui disent, tiens, on va faire une dernière partie de cartes. Oui, parce que, le bateau coule, on peut plus rien faire. On connaît ce genre de situation, hein. Et je crains que la société civile réagisse comme ça. C'est-à-dire qu'elle pressente que, on va droit à la guerre, et tant pis, amusons-nous. Amusons-nous pour les derniers instants. Voilà ce que j'avais à dire. Mais il est vrai, moi, je partage tout à fait ton analyse. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et la sortie de Macron montre qu'il y a, que dans la diplomatie secrète, parce que c'est elle qui mène la guerre, hein, dans la diplomatie secrète, il doit se passer des choses assez inquiétantes. Il est allé plus loin, il a dit « Nous ne voulons pas d'une guerre mondiale ». Sous-entendu, elle est possible. Bien sûr, mais bien sûr qu'elle est possible. Alors, mais je me méfie également, moi, de ces propos qui sont rassurants de prime abord, parce que qui sont ceux qui font des false flags? C'est bien l'Occident, les tours du World Trade Center, etc. Mettons, ils peuvent très bien en catimini faire péter une bombe et la mettre sur le dos des Russes. Et ce sera d'autant plus crédible qu'il aura fait sa déclaration rassurante. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, Vincent a raison, d'où l'importance de son travail révisionniste, parce que les gens peuvent se dire... Oui, mais ça, c'est une obsession d'extrême droite. Non, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la Deuxième Guerre mondiale et au-delà de ses ramifications et de ses implications politico-idéologiques encore aujourd'hui, c'est vrai d'une manière générale. Sur la Première Guerre mondiale aussi, on ne connaît pas, en réalité, le grand public ne connaît pas les véritables causes de la Première Guerre mondiale. Et à chaque fois, aller aux sources des véritables événements, effectivement, comme tu l'as dit, de la diplomatie secrète, ça permet de comprendre ce qui s'est véritablement passé, comment on a poussé les peuples dans des guerres, comment les oligarchies poussent leurs peuples dans la guerre, ce qu'ils ne voient pas quand ils sont dans le feu de l'action, dans le feu médiatique, parce qu'on les aveugle, on leur cache ce qui se passe. Nous avons aujourd'hui une opportunité unique. Je ne dis pas que ça peut tout changer, mais on peut, en temps réel, tous collectivement, analyser ce qui se passe, adopter un regard critique, et nous opposer. Bien sûr, on pouvait s'opposer à la guerre aussi, avant la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout passait par l'écrit, très peu par la radio, pour la Deuxième Guerre mondiale, j'entends. Donc, il y avait un temps de latence. Maintenant, en direct, on peut créer à grande échelle des mouvements d'opposition. On a ces armes technologiques entre nos mains. Donc, on peut vraiment s'organiser et dire non. Est-ce que c'est faisable? C'est autre chose. Mais je veux dire, on a des outils extraordinaires entre les mains. Mais il faut être capable de comprendre comment fonctionnent ces mécaniques bellicistes, comment la machine avance, comment cette machine-là avance, comment elle fonctionne, par quels mensonges. Et quand on comprend les mensonges utilisés, deuxième, première mondiale, c'est indifférent, on est armé pour tous les coups tordus. Alors Macron, il a fait connaître son jeu. Ça lui a été reproché. Il y a un article de l'Express qui lui dit, qui attaque Macron, qui dit pourquoi Macron a-t-il révélé ses cartes à l'avance ? Extraordinaire comme article. C'est un sous-entendu, pourquoi a-t-il été dire qu'il n'allait pas utiliser l'arme nucléaire, hein, l'ambiguïté, etc. Mais parce qu'il ne faut pas d'ambiguïté. Si, et c'est ça qui est révélateur, c'est ça que dit le propos de Macron. C'est-à-dire que Macron essaye non pas de contenir les Russes, parce qu'il n'y a pas de raison de contenir les Russes à ce stade. Il faut contenir les autres. Ce sont les autres qu'il faut contenir. C'est à eux qu'il faut dire qu'il n'y a pas de chèque en blanc. En ce sens-là, tout devient limpide, n'est-ce pas ? Alors après, Macron, encore une fois, hein, il a une marge de manœuvre très restreinte, très très restreinte, et il peut être pris en otage, comme tu l'as bien dit, par une attaque sous faux drapeau, qui peut saturer tellement l'opinion publique européenne que Macron se couche, c'est-à-dire qu'il capitule, il abandonne, il dit « je ne peux plus, voilà, je ne peux plus contenir, je suis obligé d'abandonner », comme Daladier, c'est ce qu'a dit Vincent. Ça peut être quoi ? Ça peut être une attaque sur une centrale nucléaire. En Ukraine, voilà, on accuse des Russes, voilà, c'est du terrorisme nucléaire, etc. On ne sait pas, ça peut être ce qu'on voudra, je veux dire. Mais quelque chose qui soit de nature à faire plier l'opinion. Et là, rentre en jeu la même presse qui attaque aujourd'hui Macron. Je ne suis pas en train de tresser des lauriers à Macron, hein, du tout. Simplement, je pense qu'il se retrouve derrière le bureau avec le bouton sous le doigt. On lui dit, tu sais ce qu'il reste à faire, hein, si jamais il se passe ci. Et là, il dit, j'ai pas signé pour une guerre nucléaire, moi. À quel moment, là, j'ai quand même des limitations par rapport à ça. Et là, la bête enrage, quoi. Elle dit, mais non, tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. C'est à peu près l'état des discussions aujourd'hui. Hein. Alors, je continue. Alors, une des têtes brûlées qui passe sur les médias français, c'est Yakovlev, qui est un ancien général, enfin qui est un général français, mais qui n'est plus en activité, donc il est en réserve. Donc c'est une créature de l'OTAN, en fait. Hein. Si vous vous intéressez à sa carrière, il est payé par les Ukrainiens, d'accord. Donc, c'est une créature. Qui est le plus haut gradé de français dans l'OTAN. Hein. Oui, absolument. Oui, c'est pas personne. Hein. Mais il a été dans des bidules financés par l'Ukraine, etc. Donc avec la Pentagone, etc. Donc c'est un général en retraite belliciste. Alors il y a un échange surréaliste sur LCI, parce que pourquoi on l'invite lui et pas n'importe quel autre pelé ? À cause de ses grades, à cause de son grade. Alors, nature de l'échange, la voici, je vous fais écouter quand même. Les Ukrainiens ont besoin de défense solaire, c'est trop long de leur donner des patriotes et la formation, etc. Donc moi je ne trouverais pas choquant que des batteries de défense solaire avec des soldats américains, français, néerlandais ou allemands, stationnent en Ukraine pour fournir de la défense solaire aux populations civiles, soit dit en passant, aux populations civiles. Vous dites que donc que des soldats français ou américains soient sur le sol de l'Ukraine. Oui, bon, là. Je pense que c'est le degré suivant d'aide à l'Ukraine qui serait qui protégerait la population, qui contribuerait à protéger la population. Ça ne nous rendrait pas belligérants, de fait. Oui. Oui, mais cet argument de « oh là là, il faut refuser d'être co-belligérant », etc. Qui a inventé cet argument ? Les gens qui veulent nous empêcher de participer. Là, il est légitime que nous participions à la défense de l'Ukraine. Pour l'instant, l'Ukraine est seule à verser son sang. Alors, question du journaliste. Livrer des défenses sol-air et des soldats américains, français, etc. pour les mettre en action, estimait donc le général Yakovlev, un des plus hauts gradés français dans l'OTAN. La question du journaliste, cela nous rendrait belligérants. Réponse de Yakovlev, oui. Donc les cartes sont posées. Les cartes sont posées. Le but de ces gens-là, de Yakovlev, de ses souteneurs du Pentagone, c'est de nous faire rentrer dans une guerre avec la Russie. Ils le disent sur LCI. Accordez-moi quand même que c'est pas une petite tribune, LCI, en prime time. C'est pas une petite tribune. Lui-même n'est pas n'importe qui. Il dit aux Français, une guerre contre les Russes, directement avec l'armée française, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce que disait Vincent, c'était la diplomatie secrète, les pressions, etc. Bah, Macron, et c'est donc un des relais de Washington qui disait ça, c'est Bruno Tertrais. Vous allez le retrouver sur les plateaux de télévision à faire de la pseudo-géopolitique. C'est juste... C'est Uber Eats du Pentagone, quoi. Il livre les pizzas qu'on lui dit de livrer, quoi. Et alors, il explique... il dit, bon, autant le haut commandement français comprend la nécessité de faire la guerre à la Russie en Europe de l'Est. Donc, sous-entendu, le haut commandement français est d'accord. Mais il se lamentait du fait que la troupe, les soldats français, donc vous montez jusqu'au niveau de colonel maximum, quoi. Enfin, les gens qui font vraiment la guerre, en substance, quoi. Ceux qui sont vraiment déployés sur le terrain, quoi. Autant chez eux, c'est pas clair dans leur esprit. Et ils s'en plaignaient. Ils disaient, on a un problème dans la troupe française. Faire la guerre à la Russie n'est pas une évidence. C'est un vrai problème. Et mais par contre, le haut commandement, ça va. Et c'était en réaction au propos de Macron. Donc, avec la dimension nucléaire. Donc, c'est grave. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Donc voilà où on en est, et il n'y a pas de... Alors évidemment, ils veulent se débarrasser de toutes les voix discordantes. Ça, c'est leur gros sujet du moment. C'est-à-dire que comme ils sentent, en fait, dans la société, je veux dire, dans les tréfonds de la société, notamment sur Twitter, parce qu'il y a une Twitter, pour eux, si vous voulez, pour ces grands bourgeois, ces membres de l'hyperclasse, c'est la petite fenêtre qu'ils ont sur les gueux, les paysans. Vous voyez, c'est une espèce d'anecdote technologique. Mais jusqu'à présent, dans toutes les guerres précédentes, les gueux, ils ne les fréquentaient pas. Ils n'avaient pas à subir leur foudre, leur colère, leur réaction. Ils fomentaient leur guerre, et puis les paysans, ils devaient suivre. Avec Twitter et les réseaux sociaux en général, les paysans peuvent donner leur avis en temps réel, vous voyez. C'est pas que ça fait la différence, mais enfin, ils voient les paysans gueuler au pied du château. Ça ne leur plaît pas du tout. Et alors, maintenant, ils reçoivent des sauts d'injures, hein, je veux dire... Ils se font traiter. Ah, raison. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Et maintenant, ils veulent faire taire. Avant d'entrer en guerre, ils veulent faire taire tout le monde. Ça y est, c'est le sujet. Voilà. C'est donc Tertrais le dit. Hein, voilà. Le haut commandement français, ça va. Donc les galonnés, de toute façon, on les a tellement arrosés de fric. Oui, c'est bon. Oui, la guerre aux Russes, pas de problème. On y va à fond. Ça sera conventionnel, rassurez-vous. On sera à Moscou avant Noël. Bon, vous connaissez la chanson, quoi. À chaque fois, on est censé arriver avant Noël au truc. Hein. Bon, peu importe. Mais dans la troupe, c'est un peu moins ça. Et dans le peuple, c'est un peu moins ça aussi, quoi. Ces enculés de plébéiens n'ont pas l'air d'être très motivés. Comment faire ? C'est l'état des discussions. Alors là, ils parviennent à la conclusion. Ben, écoutez, est-ce qu'on peut pas déjà empêcher les pacifistes de s'exprimer, pour commencer ? Est-ce qu'on peut pas commencer par là ? Et c'est le consensus qui est en train d'émerger aujourd'hui, donc chez ces pseudo-géopolitologues payés par les Américains, enfin par la CIA, chez les journalistes payés par les mêmes, les politiciens arrosés par le même argent, bon, il y a aussi les Ukrainiens, les Britanniques qui versent, etc. Bon, le consensus émerge, il faut faire taire, en gros, le parti de la paix. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Ces gens-là ne doivent pas passer à la télévision, ils ne doivent pas pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Si on veut être sérieux avec ce qu'on veut faire, il faut que ces gens-là soient censurés. Et la meilleure démonstration de ce truc, c'est, et je m'arrête là-dessus avec notamment Vincent, deux tweets de la LICRA que je lis. Nous demandons la fermeture de l'ambassade de Russie en France. Officine de propagande d'un État terroriste, la Russie mène une guerre obéissant à une logique génocidaire. La France ne peut accepter sur son territoire cette entreprise de désinformation criminelle. Premier tweet donc de la LICRA, qui, je le rappelle de manière très révélatrice, a été créée pour prendre la défense d'un assassin juif, d'un général ukrainien. L'histoire est cocasse. Qui était accusé à l'époque d'antisémitisme et d'avoir supervisé des pogroms. Étonnant, hein, le revirement historique, comme quoi on finit toujours par aller renifler son vomi. Deuxième tweet, de la LICRA, offrir une tribune au porte-voix d'un État voyou, c'est-à-dire l'ambassadeur de Russie en France, pour qu'il y déverse sa propagande mensongère et la tweeter ensuite. Est-ce le rôle du service public? C'était une accusation qui était portée, je crois, contre France Info. Autant accueillir Soral, Dieudonné ou n'importe quel négationniste. Ah, nous y revoilà. Alors vous allez me dire, pourquoi citer ce tweet-là? Pourquoi citer la LICRA? C'est parce que ce point de vue et cette exigence de faire taire, de faire fermer l'ambassade de Russie, de faire taire les diplomates russes en France, n'est pas que le fait de la LICRA. Elle est aussi le fait de bandits comme François Hesbourg, Bruno Tertrais, dont j'ai parlé, donc les géopolitologues de salon, là, et des cercles les plus bellicistes payés par les Américains dans la presse, dans l'appareil d'État français. Évidemment, de coloration juive. Donc, voilà, ils veulent les faire taire. C'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir de point de vue critique. Alors, je vais me retourner vers Vincent, qui aura certainement des choses à dire là-dessus. Oui, alors, donc, sur ça particulièrement, c'est absolument extraordinaire parce que, en fait, au départ, quand on voulait interdire certains discours en France, je ne parle pas des discours qui révèlent des secrets d'État, etc., mais quand je parlais des discours de haine, on a toujours dit justement, on va les interdire parce que ce sont des discours de haine. Donc, il y a eu la loi Pleven, la loi Guessot, etc., etc. Et de là, on a franchi une étape en disant, non, mais maintenant, on va aussi interdire les discours qui sont susceptibles d'appeler à la haine. C'est-à-dire que, donc on a étendu l'interdiction des discours. Maintenant, si vous regardez ce que dit l'ambassade russe et ce qu'a dit la personne là, qui a suscité le tweet de la LICRA, ce ne sont pas du tout des discours de haine. Ce ne sont pas des discours qui consistent à dire « Français, venez avec nous exterminer les Ukrainiens ». Ce n'est pas ça. C'était des discours russes qui justifiaient et qui prétendaient justifier, encore une fois, moi je ne juge pas, les agissements russes dans le conflit russo-ukrainien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des gens qui présentent la défense, puisque en France, il y a une grande majorité des médias qui attaquent la Russie, qui font le procès de la Russie, encore une fois, à raison ou à tort, c'est pas mon problème. Et en face, il y a des gens qui se dressent en disant « Nous allons présenter la défense. On va dire « Voilà pourquoi on a fait ci. Voilà pourquoi il y a eu des ripostes aux missiles sur l'Ukraine. Parce que l'Ukraine fait des actes terroristes chez nous. Le pont de Crimée, naturellement, et puis des attaques, voilà, contre des centres nucléaires, etc. Donc nous ripostons. » Ce n'est pas du tout un discours qui appelle les Français à la haine. Encore une fois, je le répète parce qu'il faut être très clair, c'est un discours qui présente la défense de l'accusé. Eh bien, même pour ça, la LICRA et tous ceux qui s'en servent ne supportent pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une société où présenter la défense est interdit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, et d'ailleurs, on va dire encore que c'est ma lubie, mais qui date de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ça a été ça. C'est-à-dire que l'on a, à Nuremberg, dans les faits, on a interdit aux gens de présenter leur défense. Alors naturellement, il fallait garder les apparences, les sauvegarder. Il y avait des avocats, mais comme toutes les archives avaient été saisies par les vainqueurs, et que les vainqueurs, dans ces archives, ont saisi quelques documents et ont dit « Voilà, vous avez à répondre sur ces documents-là », tous les autres documents, ils n'étaient pas acceptés, pratiquement. Hein, et notamment, ça a joué en défaveur, justement, du ministre des Affaires étrangères allemand, hein, Joachim von Ribbentrop, qui a dit, à la fin, dans ses mémoires rédigées peu avant d'être exécuté, il a dit, mais la plupart des documents que nous, on a, on a voulu présenter, ils n'étaient pas acceptés. Et le tribunal avait le droit de refuser sans justification. Il a dit non, tout c'est le livre tant, Rivette 33, Rivette 34, jusqu'à Rivette 32, ils sont rejetés. Il n'y a rien à dire. Et donc, l'Allemagne n'a pas été autorisée vraiment à présenter sa défense. Non, elle a pu effleurer quelques sujets, mais c'est tout. Parce que c'était intolérable. Et depuis, c'est rentré dans les mœurs que le méchant n'a pas le droit de présenter sa défense. Et je vous cite une petite anecdote personnelle. C'était au début des années 90, des journalistes étaient venus, à l'époque j'avais encore mon studio d'étudiant, je faisais plus mes études, mais j'avais encore, et ils avaient vu la bibliothèque. Et ils avaient été outrés de voir le livre Laval parle. Donc Pierre Laval, le responsable du gouvernement sous Vichy, enfin pas tout le temps, mais principal, exécuté d'ailleurs le 15 octobre 1945, pour fait de collaboration, qui a rédigé ses mémoires. Avant, encore une fois, c'était pendant son procès, enfin son simulacre de procès, et avant d'être exécuté. Il a rédigé ses mémoires, et à l'époque, c'est sorti aux éditions, je crois, de la Baconnière, à Genève, en Suisse, mais c'était tout à fait banal. Eh bien, les journalistes avaient été outrés. Ils avaient dit, comment, chez lui, il y a Laval parle. Ben oui, mais Laval a le droit de présenter sa défense. Non ! Non ! Un méchant ne se défend pas. Et ça, c'est typique. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Alors, naturellement, en général, c'était rentré dans les mœurs à la marge. C'est-à-dire que c'était, on ne défend pas les nazis. Bon, mais a priori, ça concerne peu de monde. Mais avec la guerre qui se passe maintenant, ça ressort. Il faut fermer l'ambassade russe. Parce que l'ambassade russe diffuse une propagande mensongère. En fait, quand ils disent mensongère, ça veut dire pas d'accord avec nous. Il faut comprendre, il faut décoder. Oui, il faut décoder le yiddish. Oui. Il faut décoder. Voilà. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un menteur. D'ailleurs, c'est ce que Göring a dit à la fin du procès de Nuremberg. Il a dit, ah oui, en fait, sa dernière déclaration est extraordinaire. Il a dit, oui, donc en fait, tout ce qu'on disait qui pouvait aller dans le sens de l'accusation, donc tous les aveux que l'on faisait, étaient considérés comme vrais. Mais tout ce qu'on disait qui n'allait pas dans le sens de l'accusation a été considéré comme parjure. Et il a dit, c'est une justice un peu primaire. Bon, enfin, il a fait un peu d'humour. Il savait qu'il allait être pendu, quoi, ça. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que donc ces gens nous disent, voilà, il présente sa défense, mais c'est un salaud, parce qu'on pose en principe que c'est un salaud. Donc, s'il présente sa défense, c'est qu'il ment. Or, on n'a pas à dire de mensonge. Donc, il faut les faire taire. C'est exactement le discours, et c'est pareil avec ce qu'ils appellent les négationnistes. Les négationnistes disent des choses qui ne nous plaisent pas, donc ils mentent. Voilà, c'est tout, c'est fini, il n'y a pas à aller plus loin. Ils mentent. Voilà. Et donc, il faut les faire taire. Et alors, après, naturellement, bon, il y a toujours le truc, ils mentent parce qu'ils sont au service. Alors, un négationniste, il est au service du nazisme, donc c'est donc un criminel en puissance, et pour la Russie, ils sont au service d'un État terroriste. Voilà, c'est-à-dire qu'on est jugé coupable par qui ? On ne sait pas. Est-ce qu'on a le droit de présenter sa défense ? Non, pas du tout. Vous ne présentez pas votre défense. Voilà. Et donc, on arrive avec... Et là, avec la Russie, ça ressort à mort, ça. Voilà. Il faut fermer tous ces gens-là. Ils doivent être interdits de médias. Ils doivent être interdits de médias. Ils ne doivent plus pouvoir parler. Et ça va arriver. Il va suffire que la France s'implique davantage dans le conflit, du côté ukrainien naturellement, et bien tous les gens qui seront susceptibles de tenir naturellement des propos pro-russes, mais aussi des propos qui juste diront « attendez, il faut être équilibré », seront censurés, voire poursuivis, arrêtés et poursuivis. On va arriver... Je vous rappelle qu'en 1940, ça a été ça. Hein, tous les bellicistes, tous les pacifistes ont été arrêtés. Et il y a même eu un qui a été assassiné, c'était Thierry Delmudre. Hein. Bon, eh bien, c'est ce qui nous attend. On commence par l'ambassade de Russie, on commence par des gens qui soutiennent, et puis après on dira, voilà, tel site, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres à la patrie. Et, il y a aussi la possibilité d'assassiner les diplomates. Bien sûr. Il y aura tout qui va arriver. On a un précédent, hein, l'assassinat d'un représentant de la légation allemande à Paris par un terroriste juif. Ah, Von Rapp, enfin, qui était secrétaire d'ambassade, oui. Donc, dont le but des juifs était d'exciter à la guerre, c'est-à-dire de susciter le scandale en Allemagne même pour provoquer. Et je vois dans le discours de la LICRA, qui encore une fois est une association qui a été fondée pour défendre un terroriste juif qui a assassiné un général ukrainien. C'était pas Petliura par hasard ? Oui, c'est ça. Donc c'était pour défendre, si vous voulez, c'était pour attaquer ceux qu'aujourd'hui dont ils se servent aujourd'hui. C'est très drôle l'histoire comme elle se retourne. Mais ils accusent la Russie d'avoir un projet génocidaire. Et tu dis, la répression va s'étendre en France si jamais la France accentue son soutien à l'Ukraine, rentre en fait dans la guerre. Et oui, mais c'est pas simplement rentrer dans une guerre. Auquel cas, il y aurait déjà la censure de guerre, bien sûr, mais c'est pire, puisqu'ils disent que la Russie est un état génocidaire, ce qui est complètement délirant, c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, évidemment, les mêmes juifs pour le coup, hein, quand la Russie était bolchevique, ils assassinaient des Ukrainiens à tour de bras avec l'aide des commissaires bolcheviques juifs. On n'a jamais entendu la LICRA protester. Hein, je veux dire, ils étaient tous silencieux. Hein, ça n'existait pas. D'ailleurs, elle a été fondée par des communistes juifs, d'ailleurs, la LICRA. Donc, vous voyez, c'est qui pue le mensonge. Et c'est marrant, ils accusent les autres d'être des menteurs alors qu'ils sont consubstantiellement des menteurs. Donc là, ils accusent la Russie d'être génocidaire. Bon, c'est grotesque, c'est absurde, mais ça a une implication. C'est-à-dire que si... alors déjà, ils accusent les Russes d'être génocidaires. Les autorités. Ensuite, le diplomate et les diplomates et, à terme, tous ceux qui pourraient reprendre des arguments pour défendre la Russie. Je veux dire... Vous serez des complices d'un génocide. Voilà. Ou même des gens, ils sont même pas pro-russes, mais ils diraient, attendez, un peu comme le Covid, quoi. C'est-à-dire, attendez, là, vous nous dites des trucs, là, moi j'ai envie de... j'ai une distance critique, là. Tout ce que vous nous dites, là, moi j'ai envie de vérifier. Tiens, ça, je suis pas d'accord. Visiblement, c'est pas recoupé, etc. On dit, mais monsieur, vous êtes complice d'un génocide. Vous faites le complice actif d'un génocide. Vous essayez de couvrir les actions génocidaires. Le problème, c'est que ça... en droit français, et je rappelle que la LICRA, sa spécialisation, c'est de traquer les gens pour les traîner devant les tribunaux à leurs bottes, quand ils brandissent le mot de génocide en l'associant à un État sacré dans leur bouche, ça a vocation à avoir des implications judiciaires. Hein. Mais vraiment, en France, c'est pas que les gens sont pro-Poutine. D'accord, ils ne sont pas pro-Vladimir Poutine. Certains peuvent admirer Vladimir Poutine ou tel élément de sa politique ou tel élément de la personnalité de l'homme. Mais ce n'est pas fondamentalement ce qui anime les gens qui s'opposent à cette mécanique. Ils disent on ne veut pas participer à cette guerre pour deux provinces ukrainiennes. On n'en a rien à foutre. Ce n'est pas notre problème. Ça ne nous concerne pas. Comment leur donner tort ? Je veux dire, vous avez vu, là, il y a une gamine de 12 ans qui s'est fait dépecer dans Paris par une bande d'Algériens, donc Lola. Avant, c'était des gonzesses qui se font violer dans les rues. Là, encore à Nantes, il y a une nana, elle s'est fait poignarder à mort, encore. Bon, mais ça n'arrête pas. Donc, il n'y a pas de frontières en France. Il n'y a plus de frontières en France. Il n'y a plus de répression pour les crimes qui soit de nature à dissuader toutes ces hordes d'étrangers que le pouvoir nous impose. Les gens se sentent complètement dépossédés face à cette violence qui leur est imposée. Donc là où le régalien français n'est plus, on leur dit « allez vous faire foutre ». Donc t'as l'extrême gauche, les médias disent « de quoi vous plaignez là, grand remplacement ça n'existe pas, il y a le même niveau d'immigration que dans les années 1930, vous... » En attendant, tu te fais égorger au coin de la rue, ta gamine se fait dépecer par des Algériens. Mais à part ça, hein, vraiment, à part ça... Tout va très bien, madame la marquise. Voilà. C'est bon. Par contre, il faut déployer l'armée française en Roumanie, en Lettonie. Il faut s'engager nucléairement à défendre l'Ukraine. Ah bon ? Mais pourquoi ? Pour défendre ce système-là ? Ah, moi je dis non. Je veux bien être pro-armée, pro-flic, à la condition qu'ils soient déployés à la frontière et qu'ils virent tous les têtes de nègres, les têtes de bougnoules qui osent franchir la frontière illégalement. Qui neutralisent les véritables menaces. Qui maintiennent l'ordre dans les rues. Qui protègent les gamines. Oui, ça d'accord. Du régalien comme ça tant que tu veux. Mais déployer l'armée, là, de tout le haut commandement, comme dit Tertrais, pour aller crever contre des Slaves, à l'Est? Ah non. Ah non, non, non, non, non, non, non. Hors de question. Pas en tout cas avec mon soutien. Et ça, il faut leur dire à ces ordures de, à cette ordure de bourgeoisie française, là, parce que la bourgeoisie française est fondamentalement pourrie, depuis très longtemps. Et ça, il faut leur dire. Il faut leur mettre dans les dents, là. Tous les connards là, de Bellicis là, qui disent il faut y aller, il faut y aller. Eh ben mon con, tu vas y aller. Tu vas prendre ton flingue, tu vas prendre ton treillis, tu vas te filmer, on a tous des iPhones maintenant, c'est génial. Tu vas te filmer et tu vas aller au front, en Ukraine. Ils acceptent les volontaires, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est même pas considéré comme du mercenariat par l'État français. C'est illégal, mais tout le monde y va. Alors t'y vas, mon grand, tu vas crever là-bas sous les radiations, on te regarde, tu te filmes en direct, je t'assure, on pourra même peut-être en faire une série Netflix, qui sait. Voilà. Qu'ils y aillent tous, tous les mange-merdes de plateau télé, là, qui veulent tous que... Ils arrêtent pas, là, ils sont... Le Yakovlev, là, putain, ben, il a l'air de bouger encore un petit peu, il remet son treillis, le vieux, là, on l'envoie directement au front, il aura certainement des choses à faire, qu'il aille crever sous les balles, si c'est sa conviction, plutôt que toucher les millions de dollars que lui envoient le Pentagone, la CIA, les services du juif Zelensky, mais qu'il y aille au front, là, s'il croit à ses idées. Vous voyez, c'est ça qu'il faut leur foutre dans la gueule à tous ces types. Oui, c'est ça. Et il faut leur dire, comme tu disais, on n'a pas envie de faire une guerre, au-delà que ce soit Poutine ou Tartampion, on n'a pas envie de faire une guerre parce que pour vous, ce sont des guerres de civilisation. Vous transformez toujours n'importe quelle guerre en guerre de civilisation. Et derrière le mot civilisation, il y a votre système mondialiste. C'est ça que vous cherchez à faire. Vous cherchez à imposer votre système mondialiste, que ce soit par la corruption, hein, quand vous achetez des terres qui ne sont pas les vôtres, etc., ou que ce soit par la violence. Et donc, à chaque fois, vous nous faites le grand discours, « Ah oui, mais il faut protéger les populations civiles, on n'a pas le droit de toucher aux populations civiles. » Pardonnez-moi, quand on a balancé des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, quand on a phosphorisé les cités allemandes, on ne va pas à 80 ans d'intervalle, parce que 80 ans, c'est quoi? C'est rien en termes d'histoire humaine. On ne va pas faire la morale. Entre-temps, tu as eu la Serbie et l'Irak. Hein. Exactement. Moi, j'ai rencontré un militaire qui avait un cancer à cause de tout l'uranium appauvri qu'on avait balancé en Serbie. Hélas, quand j'ai voulu l'interviewer, il était mort. C'est, hélas. Bon, mais voilà des mecs qui nous balancent. Oui, ce sont des guerres de civilisation. Et il faut faire très attention. Parce que lorsque ce général nous dit « Ah mais si on met des armes en Ukraine, on sera belligérant », pourquoi dit-il cela sans aucun problème? Parce que dans leur logique, on est déjà belligérant, parce qu'à partir du moment où vous dites que c'est une guerre de civilisation, que c'est la civilisation contre la barbarie, vous connaissez ce discours, hein, et bien quand vous dites que c'est la civilisation contre la barbarie, eh bien, dès que vous prenez moralement parti, vous êtes belligérant. Dans leur tête, on est déjà belligérant. Dans cette guerre idéologique, on est déjà belligérant. Et ce que je crains, et j'en terminerai là, ce que je crains, c'est que justement, sachant pour l'instant qu'il y a encore des gens qui sont contre la guerre, je reviens encore dans l'histoire et je vois 1938. Le peuple français, quand la guerre est évitée pour la faire tchécoslovaque, un délire de joie, un délire de remerciement. Partout, mis à part une poignée d'aboyeurs, son prestige, une poignée de remerciements. Et un an après, le peuple part à la guerre. Pourquoi? Parce qu'entre deux, on nous a balancé l'humanitarisme. Ah ouais, mais attention, c'est la Pologne, il y a eu des bombardements des villes, on nous a balancé cette fameuse photo avec la fille qui est devant sa mère, qui est ensanglantée, oui, bon. Qui est tombé, on est désolé, mais je vais dire, et hop, le peuple se retourne, et après, une fois que le peuple français s'est retourné, il faut retourner le peuple américain. Roosevelt, en mai 40, convoie son ambassadeur en France, dire, dites-moi, vous ne nous dites pas assez, là, que les Allemands, ils bombardent des colonnes de civils, ils bombardent des hôpitaux, faut nous dire toutes ces nouvelles-là, ou faut les fabriquer, dirons-nous. Parce qu'il faut qu'on retourne l'opinion américaine. Le 23 mai 40, les Allemands ont retrouvé ça dans les archives françaises qu'ils n'avaient pas eu le temps de brûler. Hein. C'est-à-dire qu'on va nous, et là je le dis aux gens, faites très attention, on va nous ressortir l'affaire des, on va protéger des populations civiles. Ah oui, ça, alors il va suffire de faire un attentat en Russie, Vladimir Poutine va rétorquer comme il a rétorqué à l'époque les plus forts, et on dira voilà, les populations civiles sont en danger, il faut y aller. Et là les gens diront, oh, bah oui, là on peut pas, il faut absolument. Méfiez-vous de leur truc, méfiez-vous, et c'est toujours les mêmes techniques qu'ils emploient. D'où d'ailleurs, en effet, l'important de connaître l'histoire, parce que on se laisse pas avoir deux fois. On dit, ah ouais, d'accord, on voit comment ils ont fait dans le temps. On va pas se laisser avoir maintenant quand ils vont nous parler des bébés enlevés des couveuses, comme en Irak. On va pas se laisser avoir. Mais voilà, je crains ça, moi. Je crains qu'il y ait un espèce de Pearl Harbor, un nouveau Pearl Harbor. C'est prévu, il faut pas se mentir. Hein, je veux dire, je suis persuadé. Bon, l'affaire est entendue. Je veux dire, là... Évidemment, on analyse en temps réel, mais bon, les donneurs d'ordre, ils sont déjà au clair sur leurs intentions. Ils vont faire un truc. Alors, ils vont faire un truc, je pense, qui sera à la mesure de leurs ambitions. C'est-à-dire qu'ils vont faire un truc vraiment, vraiment, vraiment massif, quoi. Ça sera... Massif. Mais même, il suffira, vous savez, c'est pas difficile, hein. Il suffit d'aller près d'une ville, près d'un réservoir d'eau, de l'empoisonner. Hein. On a, je veux dire, qu'en tant qu'ingénieur chimiste, je peux vous dire qu'on a tous les poisons qu'il faut. La ville, vous avez des dizaines de milliers de morts, et on dit, bah voilà, ce sont les services secrets russes, ou de Tartampion, hein, tout dépend de qui veut. Le génocide. Qui ont voilà. Fait ça. Ça y est, ils génocident. Ouais. On se sera jamais prouvé, on s'en moque, mais allez, faut y aller, allez, la grosse caisse, allons-y, là, et puis ce sera bon. Hein. Je me méfie, je me dis, ça va arriver, j'ai une trouille à l'heure actuelle à cause de ça, parce que voyons comment ça a été fait, je me dis, bon sang. Bah, en plus, il y a un précédent, c'est le golfe du Tonkin. De toute façon, les Américains sont toujours entrés en guerre sur des faux prétextes. Toujours. Ça c'est alors, vous posez pas de questions. Toutes les guerres menées par les États-Unis sont menées sur des faux prétextes. La guerre contre Cuba, enfin c'était contre l'Espagne, hein, mais l'intervention à Cuba. Une fausse explosion dans un navire. Toute cette grande campagne anti-espagnole montée par le juif Pulitzer, qui donnera son nom au prix. Du meilleur menteur, ça ne s'invente pas, hein, je veux dire, le prix Pulitzer, c'est le nom d'un menteur juif, hein, d'un mania de la presse juive américaine qui a entraîné les avis dans la guerre contre l'Espagne, hein, je veux dire, donc il faut connaître hein, ces références-là, hein, quand vous voyez quelqu'un recevoir le prix Pulitzer, c'est c'est vraiment pas fait, enfin, quand vous connaissez l'histoire, ça veut dire que c'est vraiment une ordure accomplie dans le journalisme, quoi. Bon, Pearl Harbor, un classique, le golfe du Tonkin, guerre du Vietnam. Le Lusitania, le golfe du Tonkin, tout ça, c'est des faux prétextes. Absolument. Donc, le 11 septembre, évidemment, le 11 septembre. Bon, alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-là? En fait, est-ce qu'ils vont provoquer les Russes pour susciter la réaction qu'ils attendent? C'est ce que je crains. Bon, on ne sait pas. On va découvrir, hein, avec nos yeux émerveillés, les cadeaux du Père Noël. Mais là, c'est mauvais. Je vois que la Chine, en urgence, a demandé à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine, aujourd'hui même. Hein. L'Égypte a fait de même. D'autres États d'Asie centrale font de même en ce moment. Si la Chine et l'Égypte, qui sont des États proches de la Russie, donnent ces consignes, c'est que les Russes leur ont donné un certain nombre d'informations pour protéger leurs propres ressortissants. Donc, je m'attends de toute façon à une escalade. Je ne dis pas que de toute façon, cette guerre va s'étendre, hein, ça c'est sûr. Donc c'est assez terrifiant. On va me dire, et on en termine là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je ne crois pas qu'on ait la main sur la mécanique. Hein, je veux dire, c'est comme essayer d'arrêter la guerre mondiale en juillet 1914, c'est à peu près de ce même niveau-là, ou en juillet 1939, enfin, bon. On a compris que c'était déjà, les dés étaient lancés, hein, voilà, les dés sont jetés. Et sont pipés. Ceci étant dit, c'est pas pour autant qu'il faut, donner un chèque en blanc assez pourri. Hein, je veux dire, il faut dire non, absolument non et définitivement non. Même si là, je pense que le type de guerre sera complètement différent par rapport à tout ce qu'on a connu. Il n'y aura plus du tout de ligne de front véritablement. Je pense que ce sera un truc attaque contre les systèmes d'énergie, attaque donc à caractère cybernétique, etc. bactériologiques, chimiques, attaques contre les systèmes d'approvisionnement, enfin tout. Ça va aller très vite. Parce que ce système en a besoin, d'accord ? Ce système a besoin de cette guerre. Les gens doivent le comprendre. Ils ont besoin de cette guerre, voilà. Le système financier occidental est ruiné. S'ils ne font rien, il y aura une révolution. Les gens vont se révolter contre eux. Ils ont besoin d'un ennemi extérieur. Ils ont un responsable à dénoncer. Donc, ils font monter la sauce avec la Russie. Ils ont besoin d'une guerre mondiale parce que l'ampleur du problème ne peut pas juste être limitée au plan régional. Donc, il faut une guerre mondiale. Et ils vont envoyer les peuples à l'abattoir. Ils l'ont déjà fait à deux reprises. Qu'est-ce qui les empêcherait, pour sauver leur peau, de le faire une troisième fois? On ne dit jamais 203. Aucune raison qu'ils s'en privent. Aucune raison qu'ils s'en privent. C'est clair, c'est évident. Donc, j'aimerais être beaucoup plus enthousiaste. Et le Covid, à mon avis, ressemble à une répétition générale, enfin, à un exercice intérieur, dont on n'a pas toutes les clés de compréhension, mais qui, dans leur stratégie, a du sens. Contrôler les populations, voir comment elles se comportent, qu'est-ce qu'on peut leur imposer, pas leur imposer, en termes de déplacement, de communication entre elles, de confinement, de séquestration, devrais-je dire, de censure, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, voilà, qu'est-ce qui peut être fait, pas fait, quoi. En tout cas, ça, c'est mon interprétation. Et puis alors, il y a quelque chose qui est très, très inquiétant, c'est par rapport à, vous savez, des gens qui ont dit, mais pourquoi vous n'assassinez pas Poutine? Ah oui, c'est tombé sur, j'ai plus la chaîne, mais je crois que c'était LCI. Je crois que c'était sur LCI, voilà. Et c'est la juive, c'était l'ancienne ambassadrice juive à Moscou qui a répondu à la question pour dire oui, non, mais ce serait pas utile. Ouais, mais la question est posée. Et puis alors, attention, il y a cette ancienne ambassadrice, madame l'ambassadeur à Moscou, et il y a eu aussi un général. Et ce qui a été très intéressant, c'est que leurs deux réponses sont totalement contradictoires. Parce que la dame a dit « Ah ouais, mais si on fait ça, ça risque de jeter la Russie dans le chaos, et ça, ce serait pas bon pour nous. » Et le général lui a dit « Non, ça renforcerait, parce qu'il y a un sentiment patriotique en Russie, et ça renforcerait le sentiment patriotique autour de celui qui succéderait à Poutine. » Donc déjà, admiré. Un ancien ambassadeur dit mais non, ça fait le chaos. Et puis un général dit mais non, ça renforcerait au contraire l'unité du pays. Déjà, bravo pour nos diplomates et nos généraux. Ils sont même pas d'accord entre eux sur un pays comme la Russie. Bon, mais surtout, ça veut dire ils savent très bien, ou au moins dans l'armée, chez les gens sérieux, qu'il y a un sentiment patriotique très développé en Russie. Donc ils n'obtiendront jamais la reddition de ce peuple. Ils le savent. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calmer le jeu. Il faut calmer le jeu. Or, il ne le calme pas. Et là, c'est vraiment grave. C'est vraiment ça qui me fait peur, parce que normalement, il devrait se dire, bon, face à ce pays qui a l'air d'être bien soulevé, il vaut mieux, dans ce cas-là, manœuvrer un peu plus diplomatiquement. Après tout, c'est vrai, bon. Mais, et j'en terminerai là aussi, mais c'est tout à fait extraordinaire, c'est cette question qui est posée, oui, de savoir si on pouvait assassiner Vladimir Poutine. Mais à partir du moment, messieurs, dames, à partir du moment où vous avez dit que le pays a une logique génocidaire, ça veut dire qu'on promet ses dirigeants à un nouveau Nuremberg. Pardon. On promet, en fait, ça veut dire que si le pays a une logique génocidaire, si c'est un pays terroriste, comme on nous le dit, il ne peut pas y avoir de paix avec lui. La guerre doit aller jusqu'au bout, jusqu'à son écrasement total. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que même si vous assassinez Vladimir Poutine, mais son successeur, comme il sera aussi lui au pied du mur, parce qu'on dira « vous êtes un génocidaire », il va pas se rendre, il va aller jusqu'au bout. Et donc jusqu'au bout, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire possibilité très grande, voire certaine, d'utiliser l'arme nucléaire. C'est ça qui est grave, c'est qu'à partir du moment où vous acculez un pays en disant « vous êtes un assassin, vous êtes un pays assassin, donc on va vous écraser, vous menez le pays jusqu'au bout ». Alors on va me dire « oh oui, mais peut-être pas », mais pas du tout. On a eu l'exemple avec l'Allemagne, Ils ont essayé de supprimer Hitler. Ils n'y sont pas arrivés, bon, sauf quand il s'est suicidé à la fin, mais là, c'était fini. Mais quand on a posé la question à Göring, à Nuremberg, on lui a posé la question, on a dit, mais pourquoi le peuple allemand n'a pas renversé Hitler quand il a vu que c'était perdu, mais que finalement, Hitler allait continuer la guerre? Et puis pourquoi, Amit, vous n'avez pas assassiné Hitler? C'était le 18 mars 46 que l'accusation a demandé ça à Göring. Et qu'est-ce que Göring a répondu? Il a répondu, mot pour mot, hein. Il a dit, mais l'assassinat de Hitler à cette époque, donc disons en janvier 45, aurait amené ma succession. C'est vrai, c'était Göring qui aurait succédé à Hitler. Et Göring a dit, or, si l'ennemi m'avait donné la même réponse, c'est-à-dire la reddition sans condition, aux conditions terriblement lourdes dont on nous faisait état, j'aurais continué le combat en dépit de toutes les circonstances. Donc Göring a dit, à partir du moment où vous aviez promis de nous écraser, quand bien même vous auriez assassiné Hitler, moi j'aurais pris sa suite, mais j'aurais dit, mais on va jusqu'au bout. Donc quand aujourd'hui vous tenez le même discours, quoi qu'on pense de la Russie, encore une fois, j'en ai rien à faire de la Russie, je ne connais pas ce pays, j'en suis neutre. Mais quand on me dit la Russie est génocidaire, je dis, mais vous acculez une puissance nucléaire, vous la mettez le dos au mur, eh bien ça peut aller qu'à la catastrophe. Donc voilà, c'est pour ça que quand on commence à poser des questions comme ça sur LCI, on dit, ouais, mais pourquoi assassiner Poutine, pourquoi pas, mais non, pour l'instant, ça ne serait pas bon. C'est des discours absolument fous, quoi. Complètement dingue. Tout est dingue dans cette guerre. Oui. Oui, t'as tout résumé. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est exactement ça. Ils veulent la guerre. Voilà. J'en ai bien peur. Voilà, je crois que c'est ça la conclusion. Hydromel, est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? Merci, non, ça va. On se dit à la semaine prochaine pour une émission qui, bah, on donnera la suite hein, des événements qui ne sont pas très joyeux, mais il faut bien les commenter pour nos auditeurs qui nous suivent, bien entendu. À la semaine prochaine, chers amis, et en avant à la victoire. À la semaine prochaine. À la victoire, à la semaine prochaine.